Bonjour, samedi 17 juin. Bon, ça marche-t-il? Est-ce qu'il y a du son? Je suis pas sûr, là. YouTube, là, aujourd'hui, là. Hein? Ben voyons. OK, ça a l'air correct. Donc, est-ce qu'il y a du son? J'aimerais bien ça le savoir. Donc, maintenant, il y a des gens. Bonjour Lulu. Il y a du son? Oui, bon, je vais effacer ça, moi, là. J'ai tapé avec un doigt. Bon, moi, je m'appuie les micro-cravates parce que je les aime pas. Sont pas de bonne qualité, puis le son est jamais bon, puis c'est ça. Donc, est-ce qu'il y avait des choses? J'ai pas regardé ben ben l'actualité, puis bon. Bon, tant mieux. Fait que, bon, ben oui, hier, je me suis couché à 1h30 du matin, parce que j'écoutais l'entrevue de David avec Mona. Bon matin. Moi, je bois mon café. Bon, ben, moi aussi, j'ai bois du café ce matin. Donc, vous savez, je pensais à ça l'autre fois, là. S'il y en a qui voulaient m'éliminer, là, hein, ce serait assez facile. Parce que, bon, il y a des choses de grande qualité qu'on ne trouve pas à l'épicerie, donc je les fais venir de l'étranger. Comme certains types de thé puis de café, puis je me dis, ce serait pas dur d'ajouter un petit quelque chose à ça. Hein? Ce serait pas dur, je serais pas dur à empoisonner de la façon dont on vit de nos jours. Ça devient beaucoup plus facile, hein? Vous voulez rendre quelqu'un malade, là, juste à intercepter une commande de quelque chose, même des vêtements, une petite poudre dans les vêtements. En tout cas, bonjour, enfin, je suis à l'heure. Ah oui, ben, je suis pas tout le temps à la même heure, mais d'habitude, 9h30, là, le samedi matin. Heure du Québec. Bon, est-ce qu'il y avait des sujets? Est-ce qu'il y a des choses? J'ai pas écouté ben, ben, ce qui se passe. Ben, franchement. Ce matin, dans ma région, ça sent la fumée. Puis, ça veut dire c'est les feux, hein, les feux, c'est important que tout le monde panique. L'affaire, c'est qu'il fait froid, on gèle, il y a eu de la pluie pendant des jours de temps. Ça fonctionne pas, là. Donc, ça m'inquiète pas, mais je trouve ça insultant. Je trouve ça insultant qu'il nous. Bon, s'il y a des feux, faut qu'ils aillent allumer, là. Même quand j'étais enfant, des fois, à ce temps-ci de l'année, il faisait tellement sec. Il faisait tellement chaud, puis il n'y avait pas de feu. Pas, il y en a. C'est arrivé qu'il y en ait. Mais là, c'est étrange. C'est plus qu'étrange. Ben, étrange dans le sens que c'est louche, là. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais là, ils ont mis ça fort, là. Ça sent fort dehors. Mais habituellement, ça sent le matin, puis après, ça sent plus. Peut-être un enfer de courant d'air, de masse d'air. Bonjour Jacinthe, bonjour tout le monde. Ah, Chania, bonjour. Donc, c'est ça. Moi, je veux pas. Bonjour Sophie. Il y a sûrement des gens que j'ai pas vus, là, Bob. Pis... Mentalo. Oh, ah oui, bonjour, c'est la première fois que je vous vois. En tout cas, je me semble. Donc, est-ce qu'il y a des. Notre argent à placer, va-t-on la perdre? Ben, ça dépend en quoi. Même s'il y avait une crise, les crises, il y a toujours des secteurs. Ça dépend, là. Ben, bonjour, Max, Ariane. Ça dépend. Regardez, à certaines époques, il y a eu des crises, mais il y en a qui avaient vu venir, ou bien ils ont été chanceux, comme ceux qui ont fait fortune dans le caoutchouc. Caoutchouc. Ici, il fait froid, puis il mouille presque tous les jours. Pas de feu ici. Ouais, ben ici aussi, il fait froid, puis il mouille, puis il y a des feux. Ils ont décidé ça. À la Banque nationale, oh, c'est pas vraiment comme un placement. Vous êtes dans un compte qui a des intérêts. Ben, la Banque nationale, voilà, mais non, moi, je suis pas là. Je peux pas faire je peux pas faire des conseils financiers, là. Hein? Mais bon, la Banque nationale, il y a dernièrement, encore une mésaventure avec Desjardins. Quelle institution financière de merde. Après, j'ai fini par leur dire, je vais aller à CIBC, ça va être moins compliqué. C'est ça que j'ai fait, c'était moins compliqué. Ah, ben, nous en France, il fait plus de 30 degrés et la pluie va arriver ce soir. Bon, il doit vous casser les oreilles, la canicule. La canicule. Ben oui, la canicule. Hein? L'obsession de canicule qui recommence. En général, on entend ça sur les réseaux. Quoi donc? Moi, je ne sais pas, là. Mais la Banque nationale, moi, je ne suis pas un fan. Je suis pas un fan. Juste le service de courtage, c'est bien trop cher. Ça n'a pas de bon sens. En écoutant les nouvelles de France vues par Salim Laibi, on voit que la décadence bat son plein. Oui, je n'ai pas eu le temps de l'écouter, le docteur Laibi. Bon matin, Stéphane. Moi, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Mais oui, c'est sûr. Ben, l'autre, là, Marlène Schiappa, là. Et là, on n'a pas vu une putain de luxe comme ça depuis Ninon de l'Enclos. C'est quoi, Ninon de l'Enclos? Ninon de l'Enclos. Hein? Ben non, mais là, je suppose, parce que c'est vrai que c'est honteux, mais... Ça fait partie de la guerre psychologique de mettre en poste des gens qui font honte aux populations. C'est comme Elisabeth Borne, là. Et là. Je sais pas. Je suis pas français, puis pourtant je suis en colère. Je suis en colère de voir ça. C'est insultant pour la population. Ben, comme M. Macron. Non, il y a une stratégie de. Il faut qu'il y ait un discrédit envers les gouvernements locaux. Parce que plus tard, on va nous arriver avec des gouvernants décentralisés, peut-être. Puis bon. En tout cas. Mais c'est ça. C'est trop chaud, changement climatique. Trop froid, changement climatique. Il pleut trop. Oui, il pleut pas. Ben oui, c'est ça le climat, c'est des changements. Hein? Et le ministère de l'Éducation sénégalais. Ah, oh, ça, j'ai pas vu. J'ai pas vu, là. Je sais pas à quoi vous faites référence. Mais, en vrai, qu'est-ce qui se passe encore, là, au Sénégal? Pourtant, les Sénégalais, ça, c'est pas si pire, me semble. Je veux dire, ils doivent pas avoir, eux, de... Ils doivent pas avoir d'agents d'autorité, là, au Sénégal. Les enfants doivent avoir la paix avec ça. Ici, bon, je pense que ça fait partie aussi de la guerre psychologique. La guerre psychologique. Là, il y a eu une affaire au Canada, c'est dans quelle province, donc? Je pense que c'est le Nouveau-Brunswick. Il y a il y a eu une loi, il y a une province qui a fait une loi, parce que là, c'était rendu que si un enfant changeait de genre à l'école, puis... La direction n'était pas obligée d'en parler aux parents. Comme ça ne regardait pas les parents, ce qui se passe. L'enfant, ça ne regarde pas les parents. Donc, au Nouveau-Brunswick, ils ont fait une loi pour interdire que de ne pas en parler aux parents. Il faut mettre les parents au courant. Puis, Justin Trudeau, qui est considéré partout dans le monde comme un dictateur et un fou, c'est ça qui est, là. Ben, qui est une marionnette, un dictateur marionnette, si on peut dire, parce qu'on ne pense pas qu'il gouverne rien. C'est un exécutant. Lui, il est allé dire ça, c'est des extrêmes droites. C'est une loi d'extrême droite, ça doit prévenir les parents. Puis les parents, là, qui veulent être au courant de ce qui se passe, là, dans la vie de leur enfant, l'école, c'est des extrêmes droites. OK. Hein? C'est un malade, là. Justin Trudeau. L'horreur totale. Ah, bonjour, Bruno. Les ministres de l'Éducation en France qui est sénégalais. Ah, bon. Je me demandais, je me dis, voyons, C'est pas si pire. D'habitude, au Sénégal, effectivement, au Sénégal, il y a un premier sinistre qui ne veut pas partir après deux mandats. Il n'est plus éligible. En même temps, en France, il y a un Sénégalais. Puis au Sénégal, bon. Eh bien, c'est dommage. L'Afrique, ils ont des bonnes bases. Ça pourrait être. Mais non, c'est l'Occident qui pourrit tout. Puis c'est pas parce que l'Occident est pourri. Hein? Mais bon, aujourd'hui, je veux dire, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est entré un peu dans la troisième, ça n'arrête pas. Puis le colonialisme a été remplacé par de l'asservissement et de l'esclavage économique. Puis bon, on verra hein, jusqu'où ça va aller, jusqu'à le grand effondrement. Hein? Ouais, c'est dommage. C'est la gang qui contrôle McKinsey, qui gouverne une bonne partie du monde. McKinsey sont les jésuites des temps modernes. Ben, c'est la CIA. C'est la CIA. Pourquoi le Deep State américain, entre guillemets, voudrait prendre le contrôle? Ben, ils l'ont, ça fait longtemps. Prenez l'affaire de la Société des Nations, le Woodrow Wilson, puis. Ça continue. Tu as senti que c'était. En tout cas, même quand j'étais enfant à l'école, je le savais. Je le sentais. On nous enseignait des sottises, des affaires qui ne se tenaient pas debout. Il y avait un cours, là, formation personnelle et sociale. Ça m'a rendu au secondaire, le premier cycle de secondaire. Ça m'a confirmé ce que je pensais. Puis je me rappelle même à l'école, là, on avait notre carnet de santé, là. C'était donc important, là. Puis je regardais mon carnet de santé, puis je regardais ça, puis j'étais pas bien là-dedans. Je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je l'ai encore, mon carnet de santé, je le garde dans le coffre-fort avec les autres papiers, là, comme mon baptistère, ces affaires-là. Mais là, le coffre-fort, c'est pas que c'est précieux, c'est parce que mon coffre-fort, il est à l'épreuve du feu. Donc, ça serait plate qu'il brûle, hein, mon carnet de. Hein? C'est la gang qui contrôle. Ouais. Bonjour, dans les écoles en Afrique, ils ne badinent pas avec la discipline. Ben, c'est normal, mais ça prend de la mesure. Là. Mon père a été instructeur de cadets, puis je pense qu'il y a des parents qui le trouvaient trop à cheval sur ça. Bon, de temps en temps, il y en a peut-être un qui rentre en pleurant. Hein, bonjour, Martin. Par après, il avait aussi été professeur de judo. Puis j'étais allé voir un de ses cours à un moment donné, par curiosité. Puis il y en avait un qui était arrivé en retard, puis il avait dit, tu vas aller dans le coin et faire genre 75 push-ups dans le coin. Mais je sais pas, je trouvais, c'est vrai que la discipline, c'est important, mais mon père, il était peut-être un petit peu, il allait fort un peu. Il allait fort un peu. Ben, il avait fait l'armée, il avait fait l'école de police, puis c'était très en lui. C'était très là. Puis bon, c'est sûr que des fois, il y a des jeunes, aujourd'hui, surtout comme de plus en plus, il y en a, ils sont fragiles. Psychologiquement, là. Puis bon, c'est comme quand il est instructeur de cadet, il était très impliqué, mon père, puis pourtant, je sais qu'à un moment donné, il a arrêté. Il y a des parents qui le trouvaient. Pourtant, les cadets, c'est pas là pour. C'est pas les scouts, là, c'est pas les. Bon. En tout cas. Mais non, tout de même, ma mère était impliquée là-dedans. Mon frère, il a fait un entraînement militaire en Allemagne avec les cadets. La survie en Arctique. Puis nous a fait de même. Bonjour, ben bonjour à vous, Jean-François. Pas obligé de m'appeler monsieur, là, je me sens un peu ridicule. Ah, bonjour, Marie-Jeanne. Donc, je comprends jamais le chat. Des fois, j'allume pas, puis je voyons, le chat, il est pas là. Mais, bon, c'est ça. Donc, bon, la discipline, oui, c'est une bonne chose, mais faut pas devenir fou non plus. Comme mon père, il est un petit peu rigide, on va dire ça comme ça. Comme par exemple, si je mettais pas de cadenas ou de chaîne après ma bicyclette, puis on est dans une petite ville qui en a pas de vol. En tout cas, dans le temps, il me volait ma bicyclette. Il me surveillait, puis il me la volait, puis il fallait que j'aille à la municipalité, puis que je paye un peu comme pour récupérer un auto à la fourrière, fallait que je prenne mon argent de poche, puis que je paye pour récupérer ma bicyclette. Ça, c'était systématique. Si je barrais pas mon bicycle, mon père, ça serait mon saut au garage. Quand je voyais que mon bicycle s'était fait voler, je le savais qu'il était au garage municipal. Hein? Puis, bon. Aussi, d'autres ajustements qu'il y avait, que je sais, de la discipline, dans le fond, c'était pour me discipliner, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, pourquoi, je sais pas, là. Voyons donc. Fallait qu'il y ait un peu plus, puis avoir été plus sensible, peut-être je serais devenu paranoïaque. Mais lui, c'était, fallait que je me méfie de. Hein? Puis là, fallait que je me méfie de moi-même, surtout. Mais je me suis, j'ai surtout appris à me méfier de lui. Puis à pas faire confiance à personne. Ouais. Puis finalement, ben, j'ai fini un jour, même quand j'étais enfant, moi, j'aurais jamais d'enfant. S'il faut que je ressemble moindrement à mon père. Selon Mayo, où tu as subi de l'abus parental. Mayo qui mange de la marde. OK? Ça, de l'abus parental. Ben non. Voyons donc. Mayo, c'est un cabochon, tant qu'à moi. Là. Je le trouve très brillant, très intelligent sur certaines choses, mais il y a d'autres affaires. Là. Ou comme par exemple, je trouve qu'il va un petit peu fort. Il va un petit peu fort. Hein? Bon, mais il en fait, moi, de l'abus parental. Hein? Ben dommage, là, mais non. Non, non. Mon père, il était pas abusif, là. Pas du tout, même. Puis même que je suis content, quand même. Puis là, il y en a qui diraient, oh, c'est parce que je rationalise mon expérience. Mais mon père, à côté du Doc Mayo, c'était un monsieur. Le Doc Mayo n'aurait pas fait long feu. En avant d'un bonhomme de mer. Puis, en tout cas, moi, j'ai jamais été capable d'amener un de mes amis chez mon père. Moi, je n'ai jamais eu peur de mon père. C'est sûr que le Doc Mayo, c'est un cas particulier. Il aurait fallu qu'il comprenne que mon père, il était pas violent, il était pas. Ben, il y avait de la mesure, il y avait du discernement. Mais c'était surtout une figure d'autorité. C'était quelqu'un pour tout le monde, là. Puis, en tout cas, il était impressionnant. Il était impressionnant. Moi, j'ai connu l'époque où le professeur nous frappait sur les doigts avec sa règle. Impensable aujourd'hui. À nous autres, tout, on se faisait frapper. Mais c'était avec les mains. On se faisait sacrer des claques sur les bras, puis on se faisait redresser. Puis... Mais je me souviens, les grands maîtres en bois, là, j'ai eu un professeur, là, elle a claqué ça sur les pupitres. Les enfants avaient tellement, il y en a, ils avaient tellement peur, ils pissaient sur les chaises. Ça, c'était, il y allait fort, elle. Une grosse madame frustrée qui avait mal dans le dos, puis qui se plaignait tout le temps. Ton père avait son intention derrière. C'est pas gratuit pour juste être méchant. Ben non, sûrement qu'il voulait te protéger. Ben oui. Ben oui. Ben surtout, il était quelqu'un de très au courant. Très informé. La réalité du monde, là, puis comment ça fonctionne, là. C'est sûr. En tout cas. Non, aujourd'hui, à l'école, il joue dans la tête des jeunes. Ouais, ça, c'est abusif. Alors, on est passé de des dictatures à des dictatures soft, puis on est passé de l'abusif concret à du plus subtil. C'est juste plus hypocrite, plus subtil, plus insidieux, puis plus. Je trouve que c'est pire. C'est pire. Ben oui, aujourd'hui, il émaille tout, là. Avec des affaires que. Mais c'était déjà commencé quand j'étais enfant. Puis, bon. Puis, non. Parce que moi, mon père, c'était dans le fond, c'était un bonhomme des années 50. La mentalité, puis. Puis, il n'y avait pas d'ambiguïté comme il y a aujourd'hui, là. Tout était clair. Hein? Et tout était balisé, très clair. C'était d'une éloquence. Ouais. Mon père, lui, c'était par plaisir de rabaisser, d'humilier. Il aimait se sentir fort face aux plus faibles. Eh bien, Ouais, ça, il y en a pas mal. Puis... Manipulation des enfants, ouais. Ouais, ben ça, c'est de la domination. C'est pas pareil. Mon père était pas dominateur, il était dominant. C'est pas pareil. Vraiment, là, les frères de ma mère, mon père, il l'aimait pas, mais c'est parce qu'il était... C'est parce que c'était pas comparable. C'est vrai qu'il était impressionnant. Il y a un de mes cousins, dès qu'il voyait mon père quand il était petit, il me se mettait à pleurer. Il était impressionnant. Puis, bon, moi, je le trouvais bien normal. Il m'a jamais fait peur. Je me suis jamais senti menacé. Je me suis jamais senti dominé non plus par mon père. Puis, il a tout à été correct, bien franchement. Bon, des fois, peut-être ma soeur, elle a le plus subi. Parce que là, c'était pas pareil. Puis des fois, moi, à un moment donné, j'avais demandé, je suis pas pareil, tu sais, avec moi. Puis il me dit, ben, c'est sûr, toi, t'es mon garçon. Bon, ouais, OK. Des gens comme ton père, ça oblige l'intégrité, ouais. Ben oui, ben là, en plus, il y a des croches ici, puis lui, il était... Donc, bon. Mais, moi, ouais. Mais il reste jamais pu amener des amis chez nous. Il avait peur de lui. Même, puis mon père, il manquait de savoir-vivre des fois. C'était pas parfait, là. Il avait une personnalité détestable. À un moment donné, sa mère, elle avait dit, il y avait un chalet, à une place, il y avait un terrain. Puis sa mère, elle avait dit, j'aimerais ça voir le lac, va couper les arbres. C'était les arbres du voisin. Puis mon père, il a dit, OK, il était allé couper les arbres. Les voisins n'en revenaient pas. Ils étaient sur leur galerie, puis ils regardaient ça. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais genre, ils n'osaient pas faire plus que ça. Moi, des fois, je trouvais qu'il manquait de savoir-vivre. Je l'ai eu comme voisin, mon père. Puis, j'ai dit, tu manques de savoir-vivre. Tu fais du bruit, tu claques la porte dans le couloir. Aussi, je gérais mal. Il n'y avait pas de notion d'argent, mon père, puis il faisait des gros salaires, là, puis il venait m'emprunter de l'argent. En tout cas. Hein? Mon voisin dit que son père l'enferme dans la cave. Aujourd'hui, il boit, il fume, il se drogue. Ben là, qu'est-ce que c'est ça d'enfermer? Ça, c'est abusif. Ça n'a pas de sens, là. C'est n'importe quoi. Ah, Mona, il y a eu beaucoup de parents dans les années 60-70 qui éduquaient les filles différemment des garçons. Plus sévères envers les filles, j'ai vu ça souvent. Moi, ça doit dater même d'avant les années 60. Parce que mon père, c'était vraiment un gars des années... Moi, je le considère comme un gars des années 50. Il faisait vraiment... Ben, il y a même un côté qui était un peu années 50. Puis, moi, ma soeur, je pense qu'elle en a souffert plus que moi. Mais bon, ça n'a pas gâché sa vie, là. Elle est devenue quelqu'un de bien. Mais je sais qu'elle en a souffert plus que moi, c'est évident, là. Puis, mais moi, c'est vrai que. Ben, c'est comme. Je sais aussi que comme mon frère, c'est pas le fils de mon père. Mon frère, c'était le fils de ma mère, mais un mariage précédent. Puis je sais que mon frère, mon père, ça a été quelque chose de décisif dans sa vie. C'est mon père qui est, comme mon père était instructeur de cadets, mon frère il était dans les cadets, puis mon père aussi c'était quelqu'un d'assez sportif, puis mon frère, il avait besoin d'un modèle, je pense, puis mon père a dû être un modèle. Donc, c'est sûr. Ben, bon matin, Christian. Donc, bon, c'est sûr, il y avait des défauts. Des gros, gros défauts, il était vraiment détestable. Il était entêté, il était borné. Mon père, il était tellement borné. Si je m'astinais avec, même si j'y amenais la preuve, j'amenais la preuve dans le dictionnaire ou sur une carte, il continuait à s'astiner. C'est incroyable. J'ai été dans les cadets de terre. Ah oui. Hey, bonjour Louise. Avec le recul, je me dis que mon père, dominateur et violent, devait lui-même être bien manipulé dans l'invisible par des entités. Ben, si on est dominateur, c'est parce qu'on est dominé. Je le vois un peu de même. Moi, ton père était boomer aussi, comme le mien. Ouais, mais il était. Moi, je le vois comme d'une autre génération que les boomers. Parce que mon père, c'était un gars. Il n'y avait rien de hippie, là. Il n'aimait pas les artistes. Il n'aimait pas. En tout cas, chez nous, c'était très religieux. Les amis disaient qu'on s'enfermait dans les crucifix. Ben. C'était une autre affaire. Mon père, il n'était pas religieux. Mais c'était vraiment, il avait une mentalité un peu années 50. C'était vraiment, tu sais, il y avait souvent, il y avait une coupe en brosse, puis c'était. Puis tout ce qui était un petit peu de gauche, c'était pas ça, là. C'était pas ça. Mais c'était vraiment comme un bonhomme. Il était peut-être la génération un petit peu avant. Les baby boomers, je parle de la mentalité. Puis bon, c'est peut-être. Moi, j'ai peut-être pas plus mal, j'aime autant ça que bon, bonjour, on a souvent les défauts de nos qualités. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi il était pas capable de. Il n'y avait pas de notion d'argent. Ça, je l'ai jamais compris. Il est endetté toute sa vie. Puis il m'a laissé pas grand-chose. Puis même quand sa mère est morte, lui et son frère, il est exécuteur testamentaire, puis ils m'ont volé dans le fond. Puis par après, lui, quand il est mort, il m'a laissé, ça couvrait même pas. Bon, en tout cas, moi non plus, il aimait pas les artistes. Ben, mon père, il aimait pas juste quelqu'un qui avait des tatouages sur les bras, là. Il les alignait, puis. En tout cas, perso, je viens d'un milieu agricole et ce monde a subi des transformations catastrophiques qui ont impacté les rapports sociaux entre les gens. Ben oui. Ben, c'est comme ici, c'était très rural ici, puis j'ai connu des gens, aujourd'hui ils sont tous décédés, mais c'était des colonisateurs, on peut dire, puis des maisons, il n'y avait pas l'eau courante. Les gens se lavaient dans des bassines, là. Des vieilles maisons qui sentent la soupe aux choux, là. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus des familles comme ça. Mais c'est des familles qui manquaient de rien. Pareil. J'ai des bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs. Quand j'ai un beau-père qui est décédé quand j'étais jeune, puis j'avais été envoyé sur une ferme, une vieille dame. Aujourd'hui, elle aurait au moins 115 ans, là. Puis c'est des bons souvenirs que j'ai d'agacer le coq. Puis, j'aime ça, les animaux. Bonjour, moi aussi, dans les cadets de l'air. Ah oui, survie. Hein, survie à Pointe-Racine au lac Saint-Jean. Non. Ben, moi, je les ai pas faites, les cadets. Mon frère, il les a faites. Puis, mais c'est comme quand j'étais rendu à l'âge d'aller dedans, mon père était plus là-dedans. Mes parents s'impliquaient plus. J'ai écouté le live de David, le live hier, Mona. Oui. Moi, ce que j'ai aimé le plus dans le live, c'est quand elle explique qu'il y a un transgenre qui essayait d'y expliquer c'est quoi une femme, là. Puis, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Imaginez, par exemple, une femme, elle passe à travers, bon, la puberté, les menstruations, elle a été mère, après, elle a vécu la ménopause, les affaires. Puis là, il y a un gars qui vient expliquer c'est quoi une femme. Avec des implants, puis un vagin factif fait avec un bout d'intestin. Lui, il va expliquer aux femmes c'est quoi être une femme. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ben ça, comme je pense à mon père, par exemple, à pas longtemps avant qu'il meure, ça commençait l'affaire des transgenres, puis tout, puis il y en avait à la télévision. Puis il regardait ça, puis il était de même. Je le savais quand il était choqué, il venait les muscles ici sur les côtés, il s'est à la mâchoire, là, ça venait proéminent. Il était en maudit. C'est sûr. C'est sûr. En plus, mon neveu, le fils de ma soeur, des fois, il regardait ça, les affaires d'école, puis tout, puis tout. Puis mon père, il écrivait mal. Bon, je parle de la calligraphie, puis lui. Mais lui, il avait eu une éducation, il était gaucher, mais il écrivait de la main droite. Il devait avoir des coups de règle. Mais pour l'éducation, il avait ses idées. Mais bon, ses idées. Avant ça, va encore, mais aujourd'hui, tout est à l'envers. Ouais, l'inversion. L'inversion. Il fallait qu'il polarise avant d'inverser. On voit ça dans les mécaniques secteurs. Sous des techniques. Hein? Jerry Marquis a fait une vidéo sur l'opposition contrôlée, les agents provocateurs. Il m'a fait rire. Ben, je ne l'ai jamais écouté. Je ne suis même pas sûr que. Je pense que je sais c'est lequel. C'est pas celui qui se met un petit bonnet de laine, là. Puis qui a des dessins de magie du chaos. Je suis pas sûr, là. En tout cas, division, inversion, manipulation, polarisation. Ouais. Ouais, commence division, polarisation, inversion, puis manipulation en gros. Je mettrais ça dans cet ordre-là. Il porte une casquette. Oh, ça se peut. Ça se peut. Il m'est arrivé quelque chose cette semaine. Il a fallu que j'aille dans une salle d'attente. Là, je suis dans la salle d'attente. Je suis entouré de bonhommes, des messieurs d'un certain âge. Ils sont tous en jeans, ils sont tous en running, puis ils pitonnent sur les téléphones à pouce. Puis dans la salle d'attente, il n'y a pas d'horloge. Parce que moi, à mes yeux, une salle d'attente, il faut qu'il y ait une horloge. Là. Puis là, je me dis, ah, ils ont l'heure sur leur cellulaire, eux autres, mais moi, j'en ai pas. Puis j'ose pas leur demander l'heure parce que ils sont tous absorbés, puis il n'y a personne qui se parle. Puis là, moi, je suis là, puis j'observe ça. Puis je me disais, bon, je vais-tu être longtemps à attendre comme ça, là, avec une gang de bonhommes. Puis finalement, maintenant, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien qu'un bonhomme. C'était point le vieux bonhomme réactionnaire qui était là. Puis dans le fond, j'étais entouré de ce qu'on appelle comme des enfants. Mais bon, DJ Libre Abel, ah oui, c'est elle. Moi, je pense ici. Nous avions un chalet à la pointe. Ah, elle est là. Il n'y a pas eu des prises de bec avec l'oiseau manqueur. Nous avons un chalet à la pointe Racine sur le lac Saint-Jean. Je suis natif de Dolbeau. Moi, ouais, ces coins-là, bon. Mais, nous autres, quand j'étais enfant, on avait un chalet aussi. C'était un milieu, là. Quand j'étais tout petit, on était dans un milieu, c'était le haut de la classe moyenne, là. On avait des chalets, des affaires, des blocs. Mes parents étaient propriétaires de des blocs d'appartements. Ça a droppé à un moment donné. L'oiseau manqueur va arriver à la fin du direct. Ben, peut-être pas. J'espère que TJ va être sage. Je sais pas. Salut, bien heureuse, enchantée. Bon, ben, bonjour. Je sais qu'il y a eu des affaires avec. Ben, moi, je suis pas au courant. Hein. Je suis pas au courant de certains milieux. Je suis pas au courant de tout. Puis je m'en occupe pas. Puis tout. Ah. Il y en a qui disent qu'il y aurait des liens avec. Comment il s'appelle lui? Ben encore là, c'est du monde que je connais pas. J'ai jamais eu affaire non plus, là, monsieur Camus. Hein? J'ai pas envie de. Comment voit-il les agents provocateurs qui s'infiltrent dans le mouvement de l'opposition contrôlée? Ben, comment je vois ça? Je l'observe pas tant que ça. C'est pas des affaires qui m'intéressent ben ben. Puis bon. L'oiseau pit-pit est en train de. En train, là, il faudrait séparer air pis train, parce que sinon, c'est comme de l'entrain. D'avoir de. Dégringoler des tomates pour être greffe. Hein. Moi. Vous savez, moi, je suis pas le genre à dire, ah, oh, ça, c'est des complotistes pis tout, mais là, ça existe. Il y en a du monde, c'est une forme de paranoïa collective. Maintenant, d'accord, au fond, ça ne focus pas trop là-dessus. Ben non. Non. Ça fait partie des pièges. Et on est rendu à une époque, c'est la guerre psychologique. Donc, il y a des choses que. La cigarette détruit le gravier, le graphène, en vrai. Sage comme une image. Ben, je ne fume plus la cigarette depuis au moins 6-7 ans. Félicitations. J'ai étouffé un an. Mais là, ce matin, j'ai décidé de pas fumer, là. J'ai pas encore vu l'enregistrement de David avec Mona. Oui, il est sur. Comment ça s'appelle donc? C'est un autre site que YouTube. Il n'est pas sur YouTube, il est sur l'autre affaire, là. L'autre affaire. Mona, si vous dites ça, tout le monde va commencer à fumer. Ah, c'est Mona qui dit ça. Ouais, ben, la cigarette. Le tabac, c'est pas aussi nocif qu'on a voulu nous le dire, mais c'est parce que les cigarettes commerciales d'Imperial Tobacco qu'on nous presse, ils rajoutent des affaires dedans, puis c'est le papier. Moi, j'ai fumé du tabac de qualité. Du tabac cubain qui a rien, là, qui s'est roulé à la main, puis c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il faut être riche pour avoir des affaires de qualité. Sinon, c'est du poison. On dirait qu'il y a une sorte. Elle a la guerre de classe, dans le fond, dans le sens que si vous êtes pauvre, vous empoisonnez. C'est comme moi, juste le fait de faire mon épicerie à l'épicerie, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je le sais, dans le fond, que. En tout cas, oui, Odyssée, c'est ça. Je sais pas si vous mettez le lien, s'il va apparaître. Peut-être si moi je le mets, mais je sais plus si je l'ai encore. J'avais enregistré le lien. Je fume des Indiens, l'histoire. Moi, des fois, je trouve, je n'ai déjà fumé, des fois, c'était. D'après moi, ils récoltent du chien d'Inde à travers. Je veux dire, il n'y a pas juste du tabac, là. En tout cas, le tabac se fume, mais il se prise aussi. Ouais, mais ça, c'est un petit peu dégueulasse. Vous trouvez pas ça un petit peu dans le tas, là, qui mettait ça dans des mouchoirs. Ouais. Je sais pas, là, les petites tabatières, là, puis il y a les petites bouteilles chinoises à priser, là, avec des fois, c'est une petite cuillère en ivoire. C'est un petit peu moins dégueulasse, là. Mais bon. J'ai un de mes cousins qui c'est des Chinois. Ses enfants, il a marié une Chinoise. Puis le petit, là, on voit la mémoire du sang, hein, il se joue dans le nez, puis il crache à terre. Il est bien drôle. Ils sont bien intelligents. Je suis pas inquiet pour mes petits-neveux. Mes cousines aussi de Toronto, là. C'est assez spécial. Oui, ce qui nuit le plus dans le tabac, c'est les pesticides. Oui, ils rajoutent des affaires. Parce que moi, j'aime bien tous les cigares dominicains. Les petits, là, Candela. Puis, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Complètement autre chose. Non, le lien est sous la vidéo. Ok, oui, j'ai jamais compris pourquoi des gens fument. Je suis seul dans la famille à ne pas fumer. Ben oui, mais c'est pas une affaire de compréhension. Il y a moyen de comprendre qu'il y a des gens qui fument, il y en a qui fument pas. On comprend tout le monde. Ben, chacun ses jours. Moi, je trouve que ça fait quand même partie des plaisirs de la vie. C'est comme il y en a qui aiment les spiritueux. Bon, moi, j'en achète plus, mais j'aime beaucoup les whisky. Mais bon, à un moment donné, ça me pogne des fois l'été. Mais carrément, aucune qualité si t'as pas de pognon. Ben oui, c'est vraiment. Il est écrit à un moment donné, être pauvre, ça va être comme être mort. C'est pour ça que YouTube vient de censurer en rapport au live de. Ah, oh, ouais, ça n'a pas de bon sens. Ça continue YouTube, là. Je vais continuer à être sur YouTube, mais je vais m'ouvrir de quoi ailleurs, parce que ça n'a pas d'allure, on ne peut plus rien dire. Je suis un amateur de tabac brun foncé, ah oui. Moi, c'est une affaire que j'aime pas des cigarettes américaines, c'est justement ce tabac. Mais oui, ben ça dépend. Je trouve plus. Toutes les cigarettes sont pareilles à cette heure. Ah oui, ça dépend. Ah ben si tu achètes des cigarettes américaines sous tabac brun, là. Les Marlboro, là. Mais là, c'est. J'ai de la misère avec. Si autour de nous censure, c'est qu'on dit les bonnes choses. C'est quasiment flatteur. Ouais, mais. Il reste inquiétant pareil. Enfin, on se croirait dans un pays communiste de la fin des années 80. Ben là, c'est pas pire, ils viennent pas encore fouiller chez nous, là. Ouais, je ne bois pas de bière ni de vin, je trouve ça dégueu. Ben, c'est un goût qui se cultive, hein. Au plus jeune, j'aimais pas la bière. Mais en ce temps, il y a des bières hollandaises, c'est quand même de qualité. Bon, c'est sûr, les affaires allemandes avec de la patente sur lit, là, avec les cochonneries dans le fond, ça, je suis pas capable. Mais ça dépend. Il y a moyen d'aimer n'importe quoi, tout se cultive. Vraiment, là. J'aime bien les fromages genre danois, là. Toutes sortes de couleurs. Puis il n'y a personne autour de moi qui aime ça, là. Faut que j'en achète jamais. Mais bon, oui, autour censure le live de David Lévesque. Ben voyons donc. Fumer, c'est des programmes bien ancrés, aussi bien conditionnés. Tout est des programmes. Tout. Bon matin, le voiture bancaire, il est là. Ben oui, mais c'est tout des. Le problème, c'est qu'on sort de la programmation pour nous empoisonner. Mais le tabac, moi, je le vois pas comme. Ah, j'ai pas eu le temps de vous le dire. C'est surtout ce qu'Imperial Tobacco, il rajoute dedans. Il rajoute des affaires dedans pour qu'il soit plus addictif. Parce que le tabac, à la base, c'est pas si pire, là. Bon, en tout cas, j'ai planté du tabac cette année. Ah oui. Je me rappelle, il y a longtemps, il y avait des feuilles de tabac à l'épicerie. Il y a des gens, il y avait leur coupe tabac, là. Mais c'était du tabac blond. Ça devait venir de l'Ouest. Hein, bon. Christine Bolduc, t'as pas eu la chance de boire du vin qui déchire grave. Ouais, le vin, faut il faut qu'il soit de qualité, là. Il y a tout le monde, souvent, je vais entendre des gens dire, moi, le vin, ça me donne mal à la tête. Ouais, c'est parce que c'est de la cochonnerie. Dans certains coins du Bordelais, tout le monde a de la vigne dans son jardin. Ben oui, moi, j'aime beaucoup les feuilles. Les feuilles de vigne farcies. J'en ai déjà bu, sauf que je n'aime pas ça du tout. Ça dépend. Il y a des types de vin, c'est pas du tout pareil. Du vin de qualité, c'est pas. Je ne consomme plus aucun alcool. Moi non plus. C'est comme ça. Depuis 16 ans. Ah oui. Les goûts et les couleurs, moi. Ben moi, c'est comme. J'aime beaucoup l'été. Mais c'est l'été cher, il faut faire venir ça, c'est. En tout cas, l'été que je préfère, faut qu'il soit vieilli à 40 ans. C'est cher. En tout cas, bon, maintenant, la réincarnation est un sujet tabou sur YouTube. Je suis pas sûr que c'est à cause de ça, là. C'est d'autres choses. On va pouvoir parler que des minous sur cette chaîne de merde. Les minous sont en train de prendre le contrôle. Dans le fond, peut-être le Deep State, c'est des minous. Un bon rouge charru avec du fromage puis du steak. Ah oui, ça c'est une bonne programmation. Ouais, ben ça prend des plaisirs dans la vie. C'est sûr. Bonjour, Jean. Carrément d'accord, Louis. Ben, hier, je me suis fait une poutine maison. J'ai sauvé 10 piastres facilement. Ben ça, c'est tellement rendu cher. L'autre jour, on a fait venir, je pense, te dire un repas pour trois du restaurant. Ça a coûté avec quasiment 100 pièces. Je là, eh ben. Pourtant, c'était pas extraordinaire. Mon message se transforme en smiley. Je disais qu'un extrait de l'entretien avec Mona est encore sur la chaîne. Ah, il a mis un extrait. Je pense que peut-être que lui-même, il a mis. Un extrait juste sur Odyssey, puis juste sur YouTube, puis le reste sur Odyssey. Mona, il faut commencer les vidéos de maquillage. Je peux pas. Le maquillage. C'est drôle, là, moi, toutes les conjointes que j'ai eues se maquillaient pas. Ça donne comme ça. Ben, j'ai jamais trop compris l'affaire du maquillage. Il y a quelque chose là-dedans de. Funéraire. Vous trouvez pas? Hein? Il y a quelque chose de funéraire dans le maquillage. Il y a quelque chose de la mort. Vous trouvez pas ça? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, un repas pour 300 pièces. Ben oui. Il y a un extrait plus le long live. Ah oui. Moi, les femmes que j'avais ne se maquillaient pas vraiment. N'aime pas trop. Ouais, ben, moi, ça a donné comme ça, parce que, bon, ça a donné comme ça. Mais il reste que, ben, ça doit être. Pas, je m'en rends pas compte, mais probablement que. Je vois pas de censure sur YouTube, c'est un extrait. Ouais, c'est ça que je pense qui est fait. Une femme naturelle, c'est mieux, à mon avis. Mais je dis ça sans jugement. Ouais, ben, moi non plus, là. Mais il y avait ici la femme d'un docteur, là. Elle était maquillée, là. Ben, je vais être décédé aujourd'hui, ça fait longtemps. Mais elle était maquillée, là. Elle était épeurante. Elle avait des grandes griffes pointues longues dans même, puis elle avait l'affaire, là. Ça a marqué le monde ici. Elle faisait peur. Mais bon, c'était pas une jolie personne à la base. Je parlais même physique ingrat. Je parlerai pas trop, c'est la mère d'un réalisateur qui est très connu. En tout cas, le maquillage, c'est le plaisir des moches. Ben, pas nécessairement. J'imagine que il y a quelque chose d'une expressivité là-dedans, si c'est bien fait. Puis bon. Il y en a aussi que c'est une passion qui ont. C'est comme je disais tantôt, ça prend des plaisirs dans la vie. Il y en a que c'est ça. En tout cas, le maquillage, c'est pour cacher la misère. Ouais, mais moi, c'est surtout des gens très aisés que j'ai connus qui se maquillaient beaucoup. Ariane, non, c'est le lèvre au complet. Ah oui, ah ben. Le maquillage, je trouve ça morbide. Ben, il y a quelque chose de funéraire. Mais moi, je trouve, là. Ben, franchement, là, mais bon. Souffler des bougies sur un gâteau et faire un vœu dans le noir avec du monde qui chante autour, je trouve pas ça. C'est comme une séance de spiritisme, on dirait, ce que tu décris. Je me suis jamais maquillé, je supporte pas Kitex non plus. Ouais, c'est une autre affaire, ça, les ongles. Il y a des fluides qui sortent des doigts. Puis les ongles, il faut que ça respire un peu. Il y en a, ils vont dire, oh, c'est des cellules mortes. Mais wow, là, un instant, c'est comme les cheveux, c'est pas juste des cellules mortes, là. En tout cas, chez nous, on appelle ça maquiller comme un camion volé. OK. C'est comment. C'est comment de farder comme une fille des rues. Elles sont fardées comme une fille des rues. Il y a maquillage et maquillage. Si ça reste joli, pas de bois, ben, il y en a que c'est de bon goût maintenant. Il y en a que c'est de bon goût. Pour ça, je dis, c'est pas, hein, je polarise pas, là. Il y en a que c'est de bon goût. Bon. Au théâtre, le maquillage est important. Le maquillage est comme un masque. Ouais, ben à mes yeux, je pense que ça vient de là, hein, aussi que ça vient en partie de l'animisme. Il y avait quelque chose de rituel dans le maquillage, puis ça avait des fonctions magiques. Puis c'est encore dans la mémoire, ça. Donc, mais il y a eu des époques, même les hommes étaient maquillés, là. Au 16e siècle, là, il y en a qui se poudraient, puis là, rendu jusqu'au 18e siècle, là, il y en a, ça avait l'air des petites poupées, des petites poupées poudrées. C'est spécial, là. Moi, je trouve ça morbide un peu. Ben, c'est un peu comme la Marquise de Sade, tu sais, on l'imagine avec la mouche, puis les sourcils refaits, là, au noir de charbon, puis c'est épeurant. Ça fait peur un peu. Il y a un côté. Ben, pervers. Pervers. Prenez Hermann Göring. Bon, à la fin, là, avant qu'il sevre de la morphine, puis tout, là, il se pomponnait. Il avait plein de petits pots. En tout cas, j'étais maquilleuse peau pour le spectacle. Ben, c'est des beaux métiers pareils. Mais au moins, c'est à sa place pour le spectacle. Comme une voisine que j'avais dans le temps, ultra maquillée, les yeux mauves. Oh oui. Ça, je vous parle, c'est une vieille dame, c'est une autre époque. Là. Puis, c'est spécial. Dans un passé lointain, par révolte, j'ai eu un passé un peu gothique. C'est loin maintenant, terminé. Moi, ben, comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose lié aux pulsions de vie là-dedans. La fascination à l'adolescence pour des affaires morbides. Un peu, s'il y a quelque chose d'une compensation par rapport à des pulsions de vie qui s'expriment. Donc, C'est un petit peu là que la personnalité se construit, puis il y a une sorte de prise de contrôle, puis c'est pas nécessairement mauvais. Mais il reste que, bon, c'est sûr que moi, avoir des enfants, puis il y aurait une pause de même, j'essaierais de pas en faire trop de cas par peur d'amplifier le phénomène. Beaucoup de produits pas naturels. Ben oui. À un moment donné, je chialais qu'il y avait de la graisse de baleine, je pense, dans les rouges à lèvres. Bon, je suis sûr que c'est plus sain que ce qu'ils mettent maintenant. Puis là aussi, moi, c'est de voir que c'est comme ils prenaient un porc puis ils faisaient manger genre 10 kilos de rouge à lèvres. C'est ça, les tests sur les animaux. Ils leur mettent pas du rouge à lèvres, ils leur font manger des kilos. C'est spécial. J'ai un petit peu de la misère avec ça. Mais les cosmétiques, ça a tout le temps été du poison. Hein? Comme les Romains qui se mettaient de la poudre de plomb en face. Ça a duré jusqu'au 16e siècle. Je sais pas, là, du blanc de plomb qu'on appelait, là. Ça détruit le visage, ça détruit même les os du visage. Là, plus vous vous maquillez, plus vous vous maganez, plus vous êtes magané, plus vous vous maquillez. À la fin, ils prenaient une spatule de plâtrier puis ils se mettaient du poté dans les trous. Suis pas très sérieux aujourd'hui, hein. Ceux qui sont sur le parfum laissent un goût amer lors des bisous. Ouais, ben, il y a souvent de l'alcool un petit peu là-dedans. Mais moi, il y a des auteurs que j'aime beaucoup. C'est comme les huiles vertes. C'est des huiles, c'est teint avec de la chlorophylle. Mais ça, c'est un chimiste allemand qui a inventé ça. Mais c'est resté à la mode juste dans certains coins d'Asie. Puis les Vietnamiennes âgées, l'été, quand elles ont très chaud, elles vont se mettre ça parce qu'il y a du menthol là-dedans, puis ça rafraîchit. Ça sent bon, ça. J'aime beaucoup cette odeur-là. Et aussi, les vieilles chinoises, là, c'est de l'huile blanche. C'est de l'huile de menthol, de l'huile fleur blanche. Ça sent bon. C'est des parfums le fun, mais ça sent les médicaments un peu. Ça sent camphré, hein? Il y a du camphre dans ces affaires-là. C'est comme ceux qui font des arts martiaux chinois, là, le Woodlock Oil. C'est une affaire, ça, pour les muscles endoloris. Ça sent bon. Ces produits-là, ça sent bon. Mais c'est des parfums, ça sent un petit peu le médicament. Mais ça sent vraiment bon. Moi, j'aime ça, ces odeurs-là. C'est mieux que des odeurs, tu sais, trop capiteuses. Puis, bon, en tout cas. Même bio, c'est pas naturel. Ouais. Ben, on a modifié le. C'est cyclique, donc bon, on modifie un élément, tout le reste est chambardé. Donc, qu'est-ce qui est bio de nos jours? Il faudrait voyager dans le temps. Les tests sur les animaux. Ouais. Hein, Pauline, j'ai toujours un goût pour ce style en matière d'art et de musique. Une compensation. Ben, ça dépend. Ouais. Mais les modes, là, autour des usines qui fabriquent les goûts artificiels, cela sent vraiment la merde. Ben, les usines en général, là. J'aime l'ambre. Moi, là, vous parlez comme. Parce qu'il y a deux types d'ambre, là. L'ambre gris. Que c'est cher. Le vomi de cachalot, là. Du le vomi de cachalot. Une fois, j'avais participé à des enchères, puis c'était un gros morceau. Puis je l'ai pas eu. Mais oui, c'est des odeurs, c'est spécial. Moi, je suis bien sensible à ça, les odeurs. Le bois d'agar. Le bois d'agar. Le bois d'aloès. J'ai ici, j'en ai un vieux brûle-parfum, là, genre Dynastie Song, là. Mais là, ça coûte cher, les bois précieux qu'il faut brûler là-dedans. En tout cas, de la poudre de bois d'agar, là, ça coûte une fortune. C'est bien trop cher. Ah, le patchouli, moi, je trouve ça trop capiteux. Le patchouli. J'utilise certains produits pour les cheveux et la peau aux jambes. Oui, ben, il y a des affaires de cette qualité. C'est une affaire que j'aime beaucoup l'odeur. C'est quoi? C'est une résine d'un arbre, le sang de dragon. Ce qu'on appelle du sang de dragon. Ah, L'affaire qu'ils font au Népal, là, ils mélangent des poudres ensemble, c'est tous des bois précieux puis des plantes roses. C'est quoi la poudre de Rawang? J'ai plus. Quand on allait au centre d'achat, quand j'étais petit, le cœur m'élevait quand on passait par le Sears. Ah oui, ben, c'est comme les épiceries, les allées, que c'est des produits où le genre coutume. Ça sent le diable, c'est dégueulasse. Ça pogne à la gorge. De toute façon, Jean Coutu s'est rendu un magasin cosmétique. Puis un pocheur, le pocheur est dans le fond. En tout cas, j'adore cette odeur. Elle me touche à vous parler. C'était-tu le patchouli? Je trouve ça trop capital, le patchouli. Ah, l'ambre. Pas l'ambre gris, l'ambre cristallin. Ah, ok, bon, c'est pas pareil. C'est pas le même prix. Mais bon, c'est cher aussi. C'est tout cher, ces affaires-là. Mais. Tout ce qui est le fun sur cette planète-là, c'est cher. Tout ce qui est intéressant, c'est cher. En tout cas, être mon nez dans la poudre de ça. Ah oui, il y a il y a une sorte de poudre de cèdre, là, ça coûte une fortune. C'est japonais, je pense. Ça sent bon. C'est vraiment une odeur. Il y a quelque chose. Bon, en tout cas, je suis bien sensible à ça, là. Le musc blanc à ma faveur depuis des années. Ah oui, ben les muscs, c'est encore des affaires qui coûtent. C'est comme, ben ceux qui sont, il y en a un musc, là, je pense, ça vient des bois de serre. C'est des glandes, je pense, qui ont. C'est cher, c'est tellement cher. Une petite bouteille, je pense, c'est au moins 600 pièces. Petite affaire. C'est comme. Il y en a d'autres, des affaires dans le même, ça coûte une fortune. C'est quoi le chou cambodgien? L'huile de chou cambodgien. Ah, j'aurais bien cette valeur. Hein. Dans le fond, sur cette planète-là, faut être millionnaire pour vivre comme du monde. Puis avoir du fun. Il y a moyen. Je veux dire, si on se contente du nécessaire, puis qu'on est. Il y a toujours moyen d'être. On est heureux pareil. Mais toutes ces affaires-là, c'est le fun. C'est le fun. Bon, en tout cas, Carl Giroux de libre choix serait un point du système opposition contrôlée. C'est encore quelqu'un que je ne connais pas. Je ne connais pas. Je me rappelle quand j'achetais des Mark Tine aux Jean Coutu. Aïe, aïe, ça doit faire longtemps. Ça doit faire longtemps. Hey, Mark Ten, ça c'est vraiment une marque. Moi, c'est Stéphane Blais aime mettre son nez dans les sacs de poudre bourrés de. Bon, vous faites de la. Hein? C'est le qui donc, lui? Là, je veux un petit. Bon, poudre Santal. Ah oui, mais il y a le Santal Blais, il y a le Santal Rouge. J'appelle ça du bois de sandales. Du bois de sandales. Mais il faut que ça soit léger, hein, faut pas trop en faire brûler. Ça pogne à la gorge. Mais le bois de sandales, oui, ben juste le bois, là, ça sent bon, ça. Il y en a, ils mettent ça dans les tiroirs. J'avais vu, moi, c'était des petits meubles en bois de sandales. C'est sûr que c'est cher. Mais c'est tous des bois précieux, ces affaires-là. C'est toutes des affaires. En tout cas, bon, mon voisin passe l'aspirateur. C'est cher, mais il en faut peu, donc ça dure longtemps. Moi, ouais, c'est vrai. En tout cas, plus la trait, plus camphre, isopropylique, menthe, poivre, muscle et joint, mon produit préféré. Ah oui, moi, je trouve ça, c'est toutes des affaires, une fois qu'on tombe là-dedans, là, c'est toutes des affaires chères. Mais moi, les odeurs, c'est vibratoire. Dans le sens que ça crée un état d'esprit, mais ça fait longtemps que c'est connu, ces affaires-là. Ça crée un état d'esprit. Il y a de la mémoire aussi, on dirait. Il y a des affaires que je sais exactement ce que ça sent. J'en ai la mémoire. Pourtant, j'ai jamais eu accès. Mais, ouais. Vous avez la poudre d'eucalyptus aussi. Moi, ben, l'eucalyptus, il y a différents, je pense qu'il y a différentes essences, puis aussi de la façon que c'est traité. Moi, je voulais avoir, à un moment donné, j'aurais aimé ça avoir mon laboratoire avec un distillateur rotatif. Puis m'amuser d'aller dans le bois, prendre des aiguilles de certains conifères, après distiller ça. Mais bon, je crois que le niveau de pauvreté a augmenté, oui. Mais moi, je trouve qu'on vit surtout une époque où il y a une pauvreté culturelle. Là, je parle pas de la culture comme Louise Latraverse parlerait, là. Je parle de la culture, tout simplement, la douceur de vivre, bien vivre. Puis, je trouve que ça se perd, ça. Ça se perd. Il y a bien des choses, je regarde ça, puis non, c'est n'importe quoi. C'est comme c'était quoi l'autre fois, je passe dans le salon, puis il y avait une émission, c'est bonsoir, bonsoir. Le monde ne savent plus s'habiller, ne savent plus se comporter, ne savent plus. On a perdu un savoir-vivre. Je trouve qu'elle a la pauvreté. Ben franchement, ça peut peut-être paraître prétentieux, mais moi, ça m'affecte. Dans le sens que j'ai plus envie d'écouter la TV, j'ai plus envie d'aller voir en ville, j'ai plus envie de voir. Des fois, j'ai plus envie de voir du monde parce que je suis en train de devenir réactionnaire. Bonjour Steve. L'odeur du bois réorganise les énergies. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le végétal est important, tout ce qui est des substances végétales. Mais bon. Mais ils vont faire quoi avec le nombre d'aides sociaux et les gens malades avec le gros chèque? Et j'aime l'argent, ça fait remplacer le nouveau système de contrôle de masse avec l'identité numérique. Moi, je pense que c'est voulu. C'est voulu. C'est vraiment une forme de communisme, dans le fond. Mais regardez, là, ils vont recommencer à faire des espèces de petits hôpitaux privés. Puis, dans le fond, l'espèce de système de santé socialiste qu'ils nous ont fait, là, je parle pas. Moi, je pense qu'il était bien intentionné, Denis Lazur. Mais je pense que ça a été voulu pour être de mauvaise qualité. Puis là, ils sont en train de retourner ça vers le privé. Puis ils veulent créer des petits hôpitaux privés. Puis je regarde ça. Christian Dubé, c'est le Fitzgibbon de la médecine. Puis, c'est une gang de bandits. Moi, je le vois vraiment de même. C'est une mafia. C'est une mafia. Puis, en tout cas, ils font exprès. De la poudre de CAD, ça, je connais pas ça. Vraiment. Mais je veux dire, juste en un an, il y a tellement de nouvelles affaires que j'apprends. Mais c'est tout le temps des vieilles affaires. C'est tout le temps des vieilles affaires que je connaissais pas. C'est comme juste les aromates, les épices puis les aromates. À un moment donné, j'apprends, oh, il y a une plante qui pousse au Népal, telle affaire, puis on prête telle propriété, puis tout. Puis là, je vais aller sur cette plante-là, puis je m'informe sur cette plante-là. Puis à un moment donné, c'est plus fort que moi, il faut que j'en fasse. À un moment donné, je viens, je veux la connaître, la plante. Parfois, je connais pas, un goût que je connais pas. En tout cas, ça va rester gravé dans les mémoires des gens. 2023-2024. Ouais, mais comme ils vont rester post-traumatiques, c'est de la programmation. Puis je pense que c'est voulu. Pour aujourd'hui, on fait juste là, sortir. C'est là, c'est avec des mots-clés, là. Des particules de fumée dans l'air, puis là, il y a du monde tout de suite automatique qui se remet un masque. En tout cas, botanique, magasin, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, ben, je sais pas si vous parlez d'un magasin, là. Mais ouais, j'ai pas mal d'affaires. Le problème avec certaines choses, c'est qu'après plusieurs années, c'est ben, j'ai mon entrepôt. Il y a des affaires que je retrouve plus. J'avais de la cardamome blanche chinoise que j'ai cherchée l'autre jour. Puis je la trouve pas, elle doit être dans mon entrepôt. Mais là, à l'âge qu'elle a, elle doit plus sentir grand-chose. Là, ça me sert à rien. En tout cas, je suis pas mal tanné de vivre avec mes affaires dans un entrepôt. C'est rendu de plus en plus indécent, la TV comme le gouvernement. Je suis plus capable. Ben, tout. Vraiment, j'ai l'impression que tout est. On vit dans un monde où ils ont. Ça me fait penser dans le temps, les films des années de la fin des années 70, début 80, qui étaient genre post-apocalyptiques, que le monde sont habillés n'importe comment, là, puis que tout est n'importe comment. Ça ressemble à ça, là. Ça ressemble à ça. Bon samedi, ils ont réussi à rire de nous deux fois dans les derniers 13 ans. Réveillez-vous. Ben, moi, je pense que c'est constant. Bon, c'est peut-être réveillé deux fois. Le nord de l'Himalaya et la bergamote. Le nord de l'Himalaya, je connais pas, mais la bergamote, oui. C'est une espèce d'agrumes. C'est ça qu'ils mettent dans le Earl Grey. Mais la bergamote, il y a la fleur, il y a le fruit, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais ces affaires-là, c'est tellement. Moi, c'est ça que j'aime, je veux dire, dans le fond, des affaires dans le même. C'est la fleur de bergamote. C'est spécial, là. C'est un peu comme. Il y a une sorte de lys chinois, c'est des petits lys orange. Ils en font des galettes de thé compressées. Ça sent les galettes à la mélasse. Ça sent vraiment bon. Puis ça a un goût, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Puis ça nettoie les poumons. Puis c'est pas cher. C'est pas cher. Moi, une des choses que j'aime pas de vivre loin en région, c'est ici qu'il n'y a pas de quartier chinois. En tout cas. Bon, je t'ai rendu où? La télé, ça fout le bordel dans nos énergies. Ben oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas eu pendant 15 ans. Mais bon, la torréfaction du café, c'est une odeur qui me transporte. Oui, j'adore le café. Vraiment, là. Mais ce que j'aime, c'est certaines souches colombiennes puis cubaines, là. J'ai un cousin, à un moment donné, il m'avait ramené d'Amérique du Sud du miel de café. Le miel de café, c'est un miel qui est fait par des humains avec je pense que c'est avec la pulpe du fruit. C'est juste le fruit qui est autour. C'est quelque chose. C'est vraiment spécial. Mais les miels, c'est un autre monde, ça. C'est encore. Je sais pas si vous connaissez le miel de rhododendron hallucinogène. C'est très cher. C'est très cher. Peut-être un jour. Les gens qui récoltent ça risquent leur vie. Mais le café, c'est une plante. Vraiment. Moi, j'ai tout le temps voulu goûter la pulpe du fruit. Quand il est rouge. Je suis curieux. À un moment donné, j'ai failli acheter des plantes de café. Mais là, ici. En tout cas, on dit que dans la nature, il y a une plante, une molécule ou une bactérie pour contrôler chaque élément nocif. Je ne m'explique pas très bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui, puis c'est des lois d'équilibre. Souvent, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, mais il y a des lois vibratoires de. Puis sans s'en rendre compte, ils poussent autour de leur maison des plantes qui sont là, peut-être par sympathie vibratoire, puis qui pourraient les aider. C'est comme ici, dans le terrain, il y a beaucoup de petites plantes que. Au fond, c'est des légumes, on peut les manger. C'est de la légère, voit ça comme de la mauvaise herbe. Donc, j'aime le Palo Santo. Hey, ça me dit quelque chose. Mais comme je vous dis, je ne connais pas toutes, là. Il y a eu un moment où je notais. Je notais toutes. Bon, le café me speed trop. Ouais, mais on développe une résistance. Moi, je peux prendre un café et puis aller me coucher avant de me coucher. Le café, au début, ça réveille, mais à un moment donné, ça vient, ça endort. Café goutte à goutte, vous connaissez. Moi, c'est fait avec. Ça ressemble, c'est un peu comme les choses pour l'absinthe, là. J'ai jamais goûté. Je pense que des techniques de trop cher, moi. Bon, c'est pas l'heure qu'il y a des affaires. Le seul frein, souvent, c'est ça, hein? L'argent. Une odeur antidépressive. Ben, moi, je suis tellement sensible aux odeurs. Mais même, il y a des odeurs que les gens n'aiment pas, comme moi, j'aime. Les odeurs de moisissure. Certaines odeurs de moisissure qui. Le foin d'odeur. Le foin d'odeur, une journée chaude d'été en campagne, ça sent tellement bon. Il y en a de moins en moins au Québec, mais un peu partout. Ouais, ben, c'était quoi donc? Quand j'étais enfant, on allait au chalet, puis il y a une place, il y avait, je pense, c'est une sorte d'arbre. Là, j'ai un blanc de mémoire, là. Mais ça sent tellement fort. C'est un arbre, c'est un feuillu qui est super. Ça fait quasiment, c'est quasiment comme si c'était résineux, tellement la sève est gommante, là. Puis ça va tout le temps me rappeler mon enfance, quand on allait au chalet. J'ai beaucoup de camomille en avant de la maison. Ah oui, la camomille. Ben là c'est drôle, là. On a l'air quasiment, c'est comme des conversations, un peu de. Voyons, des granola. Ouais, la camomille aussi, j'aime bien ça, mais je me tâte. Rien que je m'attende. Mais s'il y a possibilité d'avoir la fleur complète, là, les espèces de petites marguerites miniatures, là. Ah oui, l'herbe coupée, ben, ça me rappelle mon enfance, quand c'est le samedi, puis tous les bonhommes passaient la tondeuse. Palo Santo, c'est connu. Ouais, ben, moi, je connais pas toutes. Je connais pas toutes. C'est très New Age, je suis devenu écœurant. Ouais, c'est un peu comme le patchouli, là. À un moment donné, là. L'odorat est un sens qui réveille tant de choses. Moi, je trouve que c'est le sens le plus proche de l'émotivité. Bon, en tout cas, c'est peut-être lié au fait. Il y a quelque chose de lié au sentiment et à l'animalité. Mais en tout cas. As-tu déjà entendu parler des Panama Papers? Ben oui. Ben oui. Il y a plein de monde qu'on connaît qui était là-dedans. Le foin d'odeur, il y en a partout, sur le bord du fleuve. Ouais. Je suis loin du bord du fleuve. Mais, Christian, tout le monde connaît ça. Le nord d'Himalaya, c'est le type du système nerveux central. Ah oui. Est-ce que moi, mais il y en a tellement d'affaires. J'ai une affiche ici, c'est juste des affaires de même, là. Puis, je pense que j'en ai 200 quelques dessus. Mais il y a des affaires là-dedans que c'est carrément des. Il y a certaines affaires, c'est carrément des narcotiques. Puis, vraiment, l'affaire, moi, je pense que c'est une question de dosage. Il n'y a rien de totalement mauvais. Mais il y en a, ils tombent dedans. C'est comme, c'est quoi le lotus bleu, là? C'est quoi l'autre affaire, là? Voyons, la laitue sauvage. La résine de laitue sauvage. Supposément que c'est une forme de. Ça peut remplacer l'opium. Mais c'est pas si narcotique que ça. C'est pas. J'en ai un champ pas loin. Des camomilles, ça doit sentir. J'ai fait ma cueillette la semaine dernière. J'ai goûté un miel de truffe. Ah oui, divin. Quand j'étais enfant, j'aimais bien gros les miels. Les miels. Puis à un moment donné, j'avais économisé longtemps. Puis je m'étais acheté du miel de fleur de menthe. Puis c'était assez spécial. Chez nous, j'avais mes petits pots, là, j'avais mes affaires. Mais aussi à un moment donné, quand j'avais 12-13 ans, j'ai découvert le lait de chèvre. Je m'achetais mon lait de chèvre, puis il me coûtait cher. Puis je mettais mon nom dessus. J'avais peur que les autres mettent ça dans le café. Puis les gens croient qu'Amélie Paul serait un homme, franchement. Aïe, aïe, s'il vous plaît. Le Nord, c'est un des plus anciens parfums orientaux. Fait partie des sept parfums de la Bible. Ah oui. Ah oui, c'est. Ah. Faudrait que je m'intéresse plus à ça. Mais ça a été récupéré. Dans le fond, on est dans un petit peu les affaires comme la magie. Je parle comme les mages, puis ces affaires-là. Là. Les résines, là, les anciens, puis ces affaires-là. La myrrhe. Moi, je trippe pas sur la myrrhe. Mais il y a une autre affaire, c'est en anglais, là, le frankincense, des parfums, tout de la Bible. Ça sent vraiment bon, sans joke, là. Mais la mer, c'est drôle, ça me fait pas triper. Ça dépend lesquels. Mais là, le nord, je le replace pas. Moi, j'aime beaucoup l'odeur de la pierre dans la basilique de l'oratoire Saint-Joseph. Savez-vous, je suis jamais allé dans l'oratoire Saint-Joseph. Vous en souvenez-vous de ourson qui goûtait le miel? Non. Un miel Manuka. Les oursons au miel. Non, ça ne me dit rien. Moi, du lait, j'en bois presque pas. Je mange pas des céréales parfois avec de l'eau. Oh, ouais. Eh bien, le lait qu'on nous vend, c'est bon. C'est pour ça que, mais ici, il y a un producteur qui, lui, vend du lait entier, du vrai lait. Avec la crème qui monte sur le dessus, puis bon, c'est un petit peu cher, là. C'est un petit peu cher. Mais les laits, c'est un autre monde, ça, encore. Les laits de brebis, les laits de chamelle, les laits d'ânesse, qui est, je pense, le plus cher, là. Le plus cher, mais c'est quasiment un médicament, là. C'est des toniques, le lait d'ânesse, là. Quand Louis XIV est en train de crever, ils ont essayé le lait d'ânesse. Bon, mais là, il est en train de pourrir. Il aurait fallu y couper la jambe, là, avant qu'il. Bon, le lait d'ânesse pouvait rien faire, là. Mais il reste que le lait d'ânesse, c'est des choses précieuses. C'est précieux, ces affaires-là. C'est des trésors. Bon. Pourquoi le lait d'ânesse est le plus cher? Ben, j'imagine, c'est parce qu'il n'y a jamais personne qui est allé traire une lionne. En tout cas, l'odeur des foins coupés. Ouais. Mais quelqu'un connaît l'odeur des cocons à soie? Ben oui, quand c'est la saison, il y a des places. Je ne sais pas si c'est légal au Canada, mais à Toronto, des fois, il y en a. J'imagine que ça se rapproche de l'espèce de soupe de verre à soie, là. Quand c'est la saison, ben vous pouvez en acheter des verres à soie, je pense, en sac congelé. Si vous allez dans un quartier chinois, vous faites bouillir soupe, ça goûte un petit peu la noisette. Mais là, j'imagine que le cocon, ça sent un petit peu ça. Hein? J'utilise l'huile essentielle de la bergamote pour la lime. Babosia, très efficace. Et beaucoup d'autres utilités. Mais je vends rien. Bon, non plus, je vends rien. Mais je veux dire, il y a tellement d'affaires comme ça qu'à un moment donné, je veux. Fait que finalement, bon, avec les années, mais vu que, bon, c'est sur des années, puis je vais être porté à acheter des affaires qui se vieillissent. Donc, parce que les huiles, ça se rancit, ça, bon. Dan Pilon doit être en train de vider sa grosse poche de 66 litres de vin. Pas bien fin, là. Je le trouve comique, moi, M. Pilon. Mais je l'écoute pas souvent, là. Lait de serpent, ben, ça peut pas. C'est pas un mammifère. Mais quoique. Moi, j'ai tout le temps voulu goûter le vin de serpent. Les Vietnamiens font du vin de serpent, puis je pense les Japonais d'Okinawa. À un moment donné, je me promenais avec ma conjointe, puis elle a ramassé une couleuvre par terre. Une couleuvre noire, puis après elle l'a relâchée. Puis ses mains sentaient bon, le serpent sentait bon. Ça sentait bon. Si le vin de serpent, ça goûte ce que ça sent, ça doit être bon. Ça doit être bon. C'est une odeur très musquée, c'est difficile à décrire. Ben, la couleuvre noire, je l'ai sur mon affiche ici. Ça sent bon. Ben, moi, j'aime ça, cette odeur-là. Ça sentait bon. Ça sentait bon. Puis tout de suite, il m'est revenu. Ah oui, les Vietnamiens, ils font du vin. Ils mettent un serpent dedans, ils mettent une couleuvre dedans. Puis à Okinawa aussi, c'est comme des pots. Ça ressemble à des espèces de pots maçons. C'est du vin de riz. Puis il y a une couleuvre noire dans le fond. C'est sûr qu'avoir les moyens, je passerais mon temps à m'acheter toutes sortes de cochonneries dégueulasses que personne ne veut rien savoir à part moi. Bon, je n'ai dû en manquer. Lait d'ânesse. J'ai un savon à 15 piastres. Moi, c'est surprenant. C'est tellement cher, le lait d'ânesse. Même, je dirais 15 piastres, pas cher. Hein? Pour le savon. Les fardeaux, ouais, ben, c'est surtout des cosmétiques qu'ils font avec le vin, le lait d'ânesse. Ben, moi, je voudrais goûter. Hein? Le cas Cassandra, c'est très spécial, très marquant, comme un parfum maternel. Ah, Disco Dan. Oui, le disco. Il fallait ça, il serait hâte avec sa disco mobile, là. En tout cas, l'oiseau moqueur, écoute, moins cher. Mon grand-père ferait du vin de pissenlit. Ouais, moi, mon père en a fait du vin de pissenlit. Il faisait du vin de patate. Puis les affaires, il faisait ses expériences. À un moment donné, les affaires fermentaient, puis ça éclatait dans le cave. Il recevait du monde pour souper, puis ça donnait des coups dans le plancher, les bouchons revolaient au plafond dans le cave. C'était peut-être pas au point, son affaire. Mais puis là, on sait Wordo, même avec une. Si lui, il est Wordo, imaginez-moi, même avec une grosse maison, puis du cash, il ne me pogne pas pantoute avec les femmes, ça remonte la longtemps. Il est entouré de madame, monsieur Pilon, dans son fil dans le. Non, je pense pas qu'il pogne. Je sais qu'il. Ouais. Il a l'air bien entouré. Il a l'air bien entouré. En tout cas. Ben non, pourquoi vous dites ça, là? Samuel Grenier et Éric Duhem sont gays, puis ils pognent plus que Dan Pilon. Ah ouais, mais ils ne doivent pas pogner dans le même lot, là. Ben, oh, ça devient n'importe quoi, là. Ah, mescal, un verre dans la boisson. Voilà, c'est une sorte de tequila. Ben, c'est un petit verre qui c'est dans les nourrit de cactus, hein. Puis, ouais, mais c'est, il y a du. C'est un alcaloïde, hein? Ça gèle, ça. Je veux dire, le verre, si vous le mangez, il y a des effets, là. On n'est pas loin de la mescaline, c'est ça qui faisait la mescaline. Ouais, on tombe dans les affaires chamaniques, là. Je me blais avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? Fade de la toupouette. Les poursuites, là. Les A. La fondation. Bon, on verra ce que ça donne. Si ça aboutit, moi, je vais. Mais bon, on verra. Blé plus fondation, faire de la. Ok, je l'ai lu, ça. Ariane, ah oui. On peut-on trouver ça? Ah, ok, il est entouré de madame. Ben, j'ai cette impression-là, moi. Moi, je trouve, j'ai cette impression-là. Je pense qu'il est entouré de madame. Il y a pas mal de dames qui. Ah oui. Puis il a son charisme à lui. J'en ai connu des. Comme il y en avait des gros mononcles. Ben là, je ne suis pas en train de dire que c'est un gros mononcle, mais je parle. Il y en a des gros mononcles qui attendent avec des chaînes en or, puis tout, puis ils sont entourés. Il y a des madames qui aiment ça. C'est correct, pas de problème. Ils ne pognent pas dans le même sens. Ouais. Non, j'ai dans le même lot. Ouais, faites-moi pas dire des affaires. Je fais des jokes. Ok. C'était dans les mûriers, Cassandra, un bel arbre. Vous parlez les vers à soie, là. Moi, ça mange des feuilles de mûrier. C'est de ça qu'on parle. Le pire mezcal tequila, c'est la fiesta. Moi, j'aille pas ça, la tequila. Ça fait longtemps que. Ça me rappelle. Les derniers temps, j'ai bu de la tequila, c'était avec mon ex. Puis, c'était quand il faisait chaud l'été. J'haïs pas ça. Il y en a une gang, ils ont déjà essayé de une place où je travaillais, puis c'était le party de la place dans l'année, là, dans le temps des fêtes. Puis, ils ont essayé de me saouler avec de la tequila. Puis, ils ont été surpris parce que, bon, j'étais assez dur. L'alcool, ça me fait pas. Ça dépend dans quel état de je suis, mais je suis reparti sur mes deux pattes, puis il n'y a pas de problème. Un de mon oncle avec une chaîne en or. Ben oui, ben il y en a qui aiment ça, ce style-là, là. Bon, c'est incorrect. Hein? Parce qu'il y en a, tu sais, on va dire, ah oh, ben lui, c'est un gros mononcle qui éteint. Mais je ne suis pas stupide, là. Je suis bien pire qu'eux autres. Je suis bien pire qu'eux autres. Dans le sens, moi, je suis pas quétaine, je suis arriéré. Je suis rétrograde. Je suis pire qu'eux autres. Ah, mais, pour Noël, j'ai reçu un cadeau des bas. Puis il était un petit peu grand. Fait que quand je mets ces bas-là, ben, je mets des jarretières comme un bonhomme d'il y a 75 ans. Mais ça marche bien, je veux dire, ça les tient bien. Puis c'est pas vrai que ça coupe la circulation. Les jarretières d'hommes, là. Bon, ben, c'est pire que Katen, ça. C'est pas pire que Katen. Ça, même le monde Katen, ils mettent pas ça. Bon. Hein? Mais il reste que. Moi, je trouve ça utile. Sinon, vous vous ramassez avec un mouton dans le fond de votre soulier. Les bas, il faut les tenir. Puis bon. Puis, c'est pas cher, là. Une paire de jarretières, là. C'est quoi, c'est 15-20 pièces? Puis, ça marche très bien. Puis, c'est pas vrai que ça brise les bas. Puis, c'est pas vrai que ça coupe la circulation. Puis. Mais là, c'est sûr qu'avoir des affaires de même après genre, on se promène pas en culotte courte. Hein. De toute façon, ça, j'en mets pas. Les culottes courtes, là. Mais il reste que, bon. Hé, sérieux, Bert, c'est un site de saouler. Ben oui, j'avais 24 années. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quand je suis parti, eux autres étaient tout dessous. Ben, parce que moi, je me rappelle. Eux autres, pour ceux qui se souviennent de tout. Il y a les chromés, il y en a des dorés. Moi, Dan Pilon pensait que j'étais un agent dans l'opposition contrôlée. Je lui ai répondu. Pilon, ton vieux disque commence à craquer. Ouais, ben là, c'est parce que ça va finir que tout le monde paranoïe. Tout le monde paranoïe. Quoique, bon, moi, je donne pas le bon Dieu en confession à tout le monde, là. Mais je lui laisse faire leurs affaires, là. M'en occupe pas, dans le fond. Hein? Oui, pardon, il y a des lignes de temps. Sûr qu'on peut le saouler, ben. Ah non, c'est sûr que s'il y en a qui s'acharneraient, ça marcherait, là. C'est plus cher que tes bas. Ben, c'est cher, des bas. Ben, ça dépend, là. Ça dépend des bas, hein. Ben, moi, bon, j'ai des bas assez ordinaires, là. Mais, j'aime pareil les affaires de qualité. Il y a un bonhomme ici là, qui tient un magasin de linge. Ça fait au-dessus de, le magasin est au-dessus de 100 ans. C'est sa mère qui avait ouvert ça, puis elle était chapelière. C'était une modiste de chapeau. Puis lui, le monsieur, son magasin est au-dessus de 100 ans. Puis il y a des affaires là-dedans, parce que lui, il garde des affaires, c'est entreposant en bas, puis il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des affaires, là. C'est des artefacts. Des artefacts. Il y a des vieilles ici, là, quand vient l'été, puis ils ont besoin d'un jupon, là. Ils vont voir ce monsieur-là, parce que lui, il a tout ça. Il a tout ça. Puis, ça m'étonnerait pas. Il va finir par fermer, il est rendu vieux, là. Mais, il reste qu'il y a des affaires, lui, dans son sous-sol de magasin, là. C'est vraiment des artefacts. C'est vraiment incroyable. C'est une institution, ce vieux magasin-là. C'est une institution. Puis le bonhomme, il est mon oncle. Il est mon oncle en crème. Puis il est macro. Il n'y a pas tout le temps du monde dans son magasin. Fait qu'il se tient en avant de son magasin. Puis il regarde passer, madame, là. Il est bien spécial. Super gentil. Il connaît par cœur l'histoire de la ville. Je veux dire, c'est comme sa mère, il y a au-dessus de 100 ans qu'elle avait ouvert son magasin. C'était une modiste de chapeau, genre dans les chapeaux des années 20. Les chapeaux cloches, là. Puis... C'est spécial. Ça va tout disparaître, ça. Mais bon, les bottes, on en trouve peut-être dans les mûriers. Bon, là, les bottes, ouais. Moi, j'ai jamais eu ça, là. Non. Mais il reste que, comme prenez juste le coton. Le coton. Le coton de qualité, c'est rendu rare. C'est quand c'est. Prenez le coton égyptien. C'est des affaires, c'est. Si ça continue, ça ne sera plus. C'est incroyable tout ce qu'on perd. Moi, je trouve que ça fait partie d'une culture générale, ces affaires-là. Dans le sens, c'est quoi qui est de qualité? C'est quoi qui est de qualité? Il y a 2 ans, j'ai dit, bon, il faudrait que je m'achète un balai. Puis je voulais un bon balai. Ben, j'ai acheté un balai fait à la main. Les balais comme il y a en Asie, fait avec, je pense, c'est une plante qui pousse, c'est comme des espèces de roseaux, ça pousse dans des marécages, puis tressé à la main, puis je voulais la pelle pour pousser en bois. Ça m'a coûté cher. Mais ce balai-là, il est bon pour Ça n'a rien à voir, là, je veux dire. Mais c'est pareil pour toutes. C'est pareil pour toutes. On a perdu un certain savoir-faire. Les choses de qualité, c'est une culture qui s'est perdue. Quand je veux quelque chose, je veux l'affaire de qualité, que ça fait des siècles qu'on sait que c'est ça qu'il y a de mieux. C'est comme, mettons, là, que je sais pas, moi, que je veux n'importe quoi, que ce soit n'importe quoi. Je veux un plumeau. Ben là, je veux que le manche soit en noyer, je veux que ce soit des plumes de faisan. Ça dépend si et pourquoi, je veux dire. J'aurais dû faire un majordome ou un maître d'hôtel. Mais, tu sais, il reste que c'est des affaires, ça va tout disparaître. Hein? Je n'ai peut-être manqué, là. J'ai remarqué que le gouvernement commence à fermer des guichets dans les Kawaii. J'ai eu affaire à eux autres dernièrement. Ouais, ben là, mais il y en a une banque que les guichets sont encore merveilleux, c'est la CIBC. En plus, le guichet distribue des billets de 50. Des billets, je veux dire. On voit plus ça, là. Hein? Moi, j'aime bien la CIBC. Rien qu'un pompe à appui avec des baleines en bois, on peut en fabriquer encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a un qui en fabrique, je pense, c'est un Belge. Puis vous pouvez même le commander avec une lame de cachet dedans. Je pense que il est coutelier aussi. Des bons parapluies. La grosse qualité. Mais c'est sûr, il faut mettre les prix. Ben, à un moment donné, moi, je m'étais acheté un parapluie à Montréal. Parce que je n'avais pas le choix, ça me prenait un parapluie. Puis c'était une espèce de. En tout cas, puis je l'avais payé cher, puis je le trouvais cher. Mais par après, quand je me suis mis à m'intéresser plus à ça, puis tout, là, j'ai vu des parapluies à 8000 pièces. J'ai vu que je connaissais rien à ça, là. Puis qu'il y en a, c'est des artisans. C'est vraiment des artisans. En tout cas, s'il pleut en parler avec nous, l'histoire que les gouvernements ferment les guichets automatiques, c'est bise la gueule. Ouais, mais c'est pour une classe, la population qui agisse de même. C'est dans le fond, à date, là. Les caisses, là, on va se le dire, là, c'est pour les. OK, en tout cas, de toute façon, c'est le mouvement. Le mouvement stationnaire des jardins. De faire fermer des guichets dans les caisses pop, c'est vraiment un word. Faut trop que Bertel nous en parle. Ben, franchement, qui ferme les caisses populaires, j'en ai rien à foutre. Je trouve que c'est la pire institution financière qui existe au Québec. Ben, franchement, j'aime mieux les affaires britanniques. J'aime mieux la RBC pour ces affaires-là. Ben là, je suis pas bien fait. On peut en faire avec le chanvre des baliets. Ah oui, on peut en faire des choses avec cette plante. Là, on peut presque tout faire avec ça. Ben oui. Il faisait même des carrosseries d'auto. Hein? Tu aurais dû faire un Playboy. Ben là, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas bien, je prends pas assez soin de moi. J'ai un petit peu un petit côté austère. Hein? Mais, bon. Demain, il y a une conférence avec Aberkan. Ah oui. Je pense que c'est une madame. Moi, j'ai pas Twitter, mais c'est quelqu'un qui me contait ça. Elle avait écrit sur Twitter. C'était quoi, donc? Ah, l'entrée, je pense, je sais plus combien l'entrée pour assister à sa conférence. Ça avait pas de bon sens, le prix, là. C'est comme quand il y en a qui payent un prix de fou pour écouter Bill Clinton. Voyons donc. Mais elle dit, par contre, pour manifester devant la salle, c'est gratuit. Conférence à Montréal. Oui, justement, les bas de gamme. Ouais. Le pire, c'est que moi, bon, j'ai un petit côté, j'aime pas ça dépenser. Ça fait que mes bas, je les répare. Je les reprise, puis je les jette une fois qu'ils sont plus viables pantoute, là, qu'ils ont été réparés 100 fois. Là, je les jette. Mais j'ai jamais payé cher pour des bas, dans le fond. Mais il y en a qui le savent. Hein. Je porte mes affaires jusqu'à ce que ce soit des lambeaux. Donc, souvent, à Noël ou à ma fête, je reçois des bas. C'est vrai que moi, il y a un enfant qui m'avait j'avais trouvé charmant d'Etsy Green, c'est quand j'ai su qu'elle portait ses affaires jusqu'à ce que ça tombe en morceaux. J'ai dit, ça, c'est une grande dame. Ça, c'est une grande dame. Mais même, je pense qu'il y a un musée, ils ont une de ces culottes, là, les sous-vêtements du temps, là, c'est des lambeaux. Elle a porté la même robe pendant 14 ans. Et puis quand elle la faisait laver, elle faisait juste laver l'ourlet. Puis à un moment donné, le teinturier, ils ont dit, ben là, votre robe est finie, va falloir vous en preniez une autre, je peux pas laver ça, elle se défait. Puis elle disait, ben, elle est encore bonne. Puis elle disait, ben non, est moisie votre robe. Est moisie votre robe. Mais et quelle grande dame, vraiment fascinante. Je pensais que c'était une juive de New York qui était peut-être parente avec Sonia Green, la femme d'Howard Philip Lovecraft. Non. C'est pas une, c'était une Quaker. Une Quaker. C'est pour ça qu'elle aimait le gruau. Hein? Mais notre compte de caisse nous appartient pas. Bien sûr que non. Donc, il aime pas ça. Moi, quand je signe une affaire avec une institution financière, c'est long. Hein? Faut que je m'assoie, puis je lis tout. Puis je pose des questions. Puis, bon, tu parais bien. Les cheveux coupés, ça te fait bien. Moi, je les coupe juste l'été. L'hiver, je les coupe pas. Mais bon, comme ça, ben, c'est parce que c'est quoi? C'est 15-20 piastres chez le barbier. C'est bien trop cher. Fait que, bon, l'hiver, je les coupe à peu près 2 fois par année. L'hiver, je touche pas à ça. Puis comme ça, ben, hein? Faites attention à la gang. Aberkan serait un agent du système en tant que. Je pense que je me mélange d'abord avec un autre. Ah ouais, je suis mêlé, moi, là. Mais moi, je suis pas au courant. Je suis pas au courant de ces affaires-là. Je suis quelqu'un de super superficiel. Hein? Continuons à parler de parapluie, là. Aujourd'hui, je suis pas sérieux, là. Je me prends tous les avantages via les conséquences. Je préfère payer plus pour des bas de qualité. Ouais, mais il y a des bons bas de l'or à moi. Ils sont en fibre de bambou, c'est fait en Chine, c'est sûr. En plus, ils ont des belles couleurs, des beaux bas beige, des beaux bas bruns. Hein? Ils sont pas chers, puis ils durent longtemps, puis vous pouvez les réparer 100 fois. Puis ils vont durer. Hein? C'est spécial à dire ça. Ouais, j'achète mes beaux de l'or à moi. L'espèce de mercerie que je parlais, j'ai déjà acheté des bas, mais je trouve ça bien trop cher. 25$ là, pour une paire de bas. Voyons donc. Il y en a des bas maintenant là, en fibre de bambou, ça dure longtemps. Ils vendent ça au Dollarama. Puis, comme je vous dis, c'est toutes des belles couleurs. Hein. Des belles couleurs. Un jour, j'ai décidé que je portais plus de couleurs. Fait que j'achetais juste des affaires noires, gris, blanc, brun, beige. Pourquoi? Ben, pour pas me casser la tête de matcher les affaires ensemble. Je me dis, tout va aller ensemble, j'irai pas me casser la tête. Puis là, tranquillement, j'ai commencé à remettre de la couleur. Parce que, bon, j'étais tanné de vivre comme une taupe. Hein? Ça, le temps de passer, mode, lorsqu'on garde trop longtemps, c'est gagné. Moi, je les garde jusqu'à ce que ça se défasse. Vraiment, jusqu'à ce que ça tombe en lambeaux. Puis, j'ai aucun problème avec ça. Moi, c'est comme mes sous-vêtements, moi, je les répare. Ben, j'ai eu souvent des commentaires C'est sûr que c'est spécial là, quand on voit que ça a été réparé 100 fois. Là. Mais, moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas partout. Mais, moi, je vais acheter les affaires quand ça se défile. T'sais, mettons, là, vous faites juste tirer un peu dessus, ça se défile, là, je le jette. Là, j'en rachète d'autres. Mais je rachète ça à coup, j'en rachète une caisse. Mais c'est que j'ai pas envie de payer pour ça. Voyons donc. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Tout se répare. J'ai tout le temps réparé mes affaires. Depuis que je suis tout petit, là. Puis. Je fais mes bas de pantalon moi-même. Puis, voyons, pas, je vais payer une couturière faire ça. Il y a mes manteaux, je les fais nettoyer. Mais j'ai un de mes manteaux, ça fait pas faire 20 ans que je l'ai. J'ai le même coupe-vent que j'avais au secondaire. Quand j'étais en secondaire 2, j'ai acheté un coupe-vent de golf. Il m'avait coûté 80$ dans une boutique qui aujourd'hui n'existe plus. Ben, je l'ai encore. Je l'ai encore. Il est en parfait état. Fait que je soupçonne du monde qui me reconnaisse parce que j'ai le même coupe-vent que dans le temps. Mais ça veut dire, ça fait combien de temps que je l'ai, mon coupe-vent? J'ai dû acheter ça en 94, 95. Il est encore bon. Il est encore bon. Il y a mes manteaux et non, ça fait 20 ans que je l'ai, mais je le fais, je l'amène chez le nettoyeur, puis il démousse à la mitaine, là. Il démousse à la main, là, avec une lampe d'esthéticienne, puis il nettoie à la main. Il est encore bon. Pourquoi je m'en débarrasserais? Là, je veux dire, ils sont encore bons. C'est comme mon coupe-vent, c'est de l'espèce de toile. C'est encore bon. Pourquoi je changerais de coupe-vent? Ben oui, c'est sûr, il est démodé. Là, il fait années 90, mais on s'en fout. On s'en fout. Je veux dire, comment est-ce que le monde peut s'acheter des affaires chaque année? Ça n'a pas de bon sens, ça. Ça n'a pas de bon sens. Le set de Salatina que j'ai dans mon entrepôt, il est dans la famille depuis les années 1870, puis il est encore parfaitement en état. Il est plus de qualité que tout ce qui se fait à cette heure. Comment ça se fait qu'il y a du monde, il rechange de meubles à chaque année? Ça n'a pas de bon sens. En plus, les affaires qu'ils vendent à cette heure, c'est laite. C'est laite. Tout est laite. Tout est. Bon, en tout cas. Bon, j'ai dû en manquer, là. J'étais parti dans mon affaire. La fleur, le châtaignier. Ah oui, la fleur. J'aime. J'ai commandé du jasmin. J'ai pas hâte de l'avoir. Bon, j'en manque, ça va trop vite. Une soirée live virtuelle avec ses invités. Hein, sérieux, quoi ça? T'as encore ton ancien coupe-vent? Ben oui, je l'ai encore. Il est ici, là. Il est beige et bleu marin. T'es chanceux d'avoir la même shape qu'au secondaire. Ben oui, ben moi je n'ai pas changé. Même, je me ressemble encore. J'en rencontre du monde, ils me reconnaissent. Moi, je ne reconnais pas. Ils sont tous maganés. On dirait, ça a tout tombé. Ils sont tous défaits. Là, des fois, je regarde, je me dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'est comme juste le fait là, prenez des douches l'eau un petit peu plus froide, ça raffermit les chairs. Le fait que j'ai marché, je marche, je paye pas question. Pourquoi je paierais un taxi pour eux? Ah non, ça garde. En tout cas, moi aussi, je garde mes vêtements longtemps. Ben oui, voyons, c'est tellement. J'ai jamais compris le monde qui. En tout cas, ben c'est comme mes manteaux. J'en ai deux noirs, un beige. Puis bon, j'en ai un gris, mon long gris en cachemire. Mais il reste que ça m'a pris des années à acheter ça. J'achète un manteau aux 4-5 ans. Puis je les garde toutes. Il m'en manque un bleu marin puis un brun. Puis je vais avoir toutes les couleurs. Avoir toutes les couleurs pour aller avec c'est comme les souliers. Les souliers, moi j'aime bien les souliers Oxford. Faut qu'ils soient faits à la main, faut que les talons soient cloués, faut qu'il y ait le cordage autour. C'est sûr, c'est cher, mais mes souliers, je les porte pendant 10 ans. Moi, j'ai mes souliers après, même quand les talons sont usés, tu vas chez le cordonnier, il change le talon. Voyons, là, pourquoi je paierais? Il y en a, ils s'ajoutent des souliers à chaque année. Jamais je ferais ça. Comme quand c'est l'hiver, j'ai les mêmes souliers que l'été, sauf que je mets des claques par-dessus. Quand j'étais allé, mais je voulais des claques parce que mes vieilles étaient tout défaites. J'étais allé voir le vendeur, puis j'avais dit au vendeur, j'ai dit, je voudrais une paire de claques. Il ne comprenait pas de quoi je parlais. Il disait, ah, quoi? Tu veux une paire de claques? Oui. Des caoutchoucs, là. Ah oh, oui, je pense j'ai vu ça en arrière. Ils savaient pas de quoi je parlais. Ils savent même pas ce qu'ils vendent, le monde. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui s'est perdu. C'est pas normal de travailler dans un magasin de souliers, puis tu sais pas c'est quoi des souliers. À un moment donné, je vais, je dis, ouais, je voudrais des souliers. Puis là, il me montrait des affaires. J'ai dit, c'est pas des souliers, ça, monsieur, c'est des espadrilles. Je veux des souliers. Il dit, hein? Il était tout mêlé. Okay, c'est pas des souliers, ça. Je dis, non. Un soulier, c'est en cuir. Il y a un talon de clou en dessous. Je dis, oh! Ben là, une chaussure, une vraie chaussure. Puis je viens en colère. Ça me met en colère. Ça me met en colère. Comme là, le jardin, là, il fait pas beau, puis tout. Mais là, le jardin, je sais que je vais passer pas mal de temps dedans. Comme j'ai les cheveux noirs, mal le soleil me tape dessus. Fait que je me suis dit, il faudrait peut-être me protéger du soleil. Fait que là, j'étais là, ça me prendrait un chapeau. Ça me prendrait un chapeau. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, il faudrait que je me trouve un chapeau. Mais là, moi, je veux une affaire tressée à main en Amérique du Sud. Je veux pas une cochonnerie de festival de Saint-Tite. Je veux de quoi être calitré. C'est sûr que ça va me coûter cher, mais il va être bon pour combien de temps? 25, 30, 40 ans? Je vais peut-être me voir me faire enterrer avec si je veux. Malgré que moi, même que je crève, peut-être qu'ils enterreront plus le monde, on va finir dans le bac à compost. C'est ça, c'est ça. C'est quoi l'autre affaire? L'exclamation. Mais il reste que toutes ces affaires-là, là, c'est ça. La culture occidentale, on est en train de la perdre, c'est en train de disparaître. Il y a plus le... Il y avait un art de vivre, il y avait une certaine douceur de vivre, il y avait une certaine culture. C'est tout en train de disparaître, ça, c'est tout en train de... Puis le monde, il dépense pour des cochonneries, c'est comme les briquets puis les stylos, c'est jetable. Quelle sorte d'imbécile qu'on est. C'est pas normal. C'est pas normal que des gens changent, achètent des vêtements à chaque année, puis ils en jettent à chaque année, puis des affaires qu'ils n'ont jamais portées. Il y en a, ils changent tout le mobilier de la maison à chaque année. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Faut être fou. C'est de la folie, là. C'est vraiment de la folie. J'avais vu de madame, j'avais vu, elle dit, ah, j'ai décidé de changer mon... Hein? Puis en plus, le monde, ils vont se débarrasser des choses de qualité ou des choses de moins en moins de qualité. Puis finalement, ça se ramasse que c'est sûr que c'est laid. C'est sûr que c'est laid. Faut jamais suivre les tendances. C'est sûr que vous allez vous ramasser avec la cochonnerie. Mais j'y vais dans les magasins de meubles, je vais dans les papeteries, je vais dans les affaires, je regarde les choses, c'est de la merde. C'est tout de la merde. Il n'y a plus rien de bon. Il n'y a plus rien de bon. On est dans une culture de l'éphémère, puis de l'apparence, puis c'est du carton-pâte. Tout est en torchis. Donc, quand je veux quelque chose, que ce soit des fois, c'est des choses simples, là. Des choses des fois simples, comme l'autre fois, je voulais un pilon puis un mortier. Ben, je suis obligé de faire des recherches pendant des semaines, des fois, pour venir à bout de trouver ce que je veux. Puis finalement, je me rends compte, ah, oh, ben, dans tel pays, à l'autre bout, il y a un artisan que lui, il le fait encore. Puis là, c'est cher, faut payer, il faut mettre le prix, il faut faire venir ça. Il reste que, comment, j'ai bien de la misère à comprendre, bien de la misère à comprendre, comment est-ce que les gens, mais j'ai fini par voir, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est de la marde qui voient et puis qui achètent, puis qui connaissent rien d'autre que de la marde. Puis après ça, le monde se demande, oh, il y a les élites qui regardent le monde de haut. C'est sûr. Regardez Patrick Lagacé qui traite le monde d'édenté. Ben oui, mais au Québec, les gens qui n'étaient pas en moyen, les dents n'étaient pas soignées, ils les arrachaient. Ils les arrachaient. J'ai une de mes tantes, elle travaille pour un grand bureau en Ontario, à Toronto. Puis quand elle va chez le dentiste, elle sait qu'elle vient du Québec parce qu'il manque beaucoup de dents. Donc, Patrick Lagacé. Il est encore pire que méprisant parce que, dans le fond, le fait que le Canadien français est méprisé puis maintenu dans la misère puis traité comme de la merde, lui fait partie de l'élite de la caste des clercs qui regarde son propre peuple de haut, donc il fait partie de l'élite qui maintient son peuple dans cette pauvreté-là, quelque part, puis qui s'enorgueillit de son statut à lui. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Bon, c'est sûr, moi-même, j'ai pas des mains belles dents, mais c'est pas que je veux pas payer. Moi, je fais faire le minimum. Tu sais, moi, c'est que ça soit fonctionnel. Puis que, bon, je ne vais pas payer me faire blanchir les dents pour. Voyons, je trouve ça. C'est comme mon coupe-vent. Je vais garder mon vieux coupe-vent. De la même façon, je vais garder mes vieilles dents. Ils sont encore bas. Ils sont encore bas. Mais quand j'y pense. Ah, oh, je vois quelqu'un qui a écrit Made in China. Ça dépend quoi? Ça dépend quoi? Il y a des affaires. Les Chinois, il y a des choses qu'ils font pour l'exportation qui ne sont pas de qualité. Oui, c'est vrai. Mais des choses qu'ils font depuis des millénaires qui sont d'une grande qualité, si vous essayez d'acheter ça, vous allez payer cher. Parce que c'est de qualité, puis pas à peu près, là. Puis c'est une expertise comme une céramique Ting de même, là. C'est pas donné, là. C'est parce que ça fait longtemps, puis c'est pas des appliques, là, il est peint. Ah, mais là, ça c'est sûr, c'est cher, c'est pas cheap, mais pourtant c'est made in China, mais c'est le top. C'est d'un raffinement extraordinaire. C'est d'une qualité extraordinaire. Les Chinois, ils en font des affaires de qualité. Mais c'est pour leur élite, à eux autres. Mais ça, là, c'est une question de culture. Dans le fond, là, ce qui fait que c'est une question de culture, je pense, vraiment. Puis c'est pas une question d'éducation. C'est pas une question d'éducation, parce que c'est pas mes parents qui m'ont transmis ça. Mais il reste que, oui, il y a un certain mépris. Il y a un certain mépris. Puis Québec, oui, on est pauvre, mais c'est culturellement, quelque part, je parle au niveau l'art de vivre. Dans le fond, là. Bon, j'ai manqué beaucoup de choses, là. Je m'excuse, là. Vous parlez de vous autres. OK. Ah, bon, mais c'est correct. Vaut mieux cibler ses besoins et payer le prix pour la durabilité. C'est exactement ce que je pense. Porter des sous-vêtements, je n'aime pas vraiment ça, comme quand j'étais ado. Ça colle partout. Ouais, vous mettez des affaires lousses, là. Moi, je porte pas des affaires étriquées. De toute façon, avec le temps, ça va venir plus lousse. Moi, c'est quand que l'élastique, il marche plus, là. Il est trop. Ben, je remettais des coutures, puis je le resserrais, puis je le resserrais. Puis mes boxeurs, là, après 10 ans, à un moment donné, ça me faisait une espèce de jupe toute rapiécée, là. J'espère que. Il y a quelqu'un de proche, j'espère qu'elle n'écoute pas le live en fait, en tabarnak que je parle de ça. Ben oui, c'est des affaires privées, puis je sais pas, là, au contrat. Au contraire. Oui, TTV, il faut cibler ses besoins. Ben oui, mais il reste que de l'autre côté, si on sait se contenter du nécessaire, on va tout le temps être riche, pareil. Mais là, ben oui, c'est sûr, c'est parce, ben, c'est parce que des fois, je dis des affaires, puis. T'as pas parlé de ça? Ben oui, pourquoi pas? Est-ce que c'est si grave que ça? Il reste que c'est vrai. C'est vrai. Puis oui, c'est vrai que je répare mes bas jusqu'à ce qu'ils soient plus réparables. C'est vrai que je fais pareil avec un paquet d'affaires. C'est vrai que j'ai le même coupe-vent depuis le premier cycle du secondaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le premier set de vaisselle que j'ai acheté quand j'avais 20 ans, j'ai tout le temps gardé le même. Pourquoi j'en achèterais d'autres? Fait que oui, c'est des vies. En plus, c'était pas de jeu vieux. Puis c'est pareil pour toutes. J'ai encore mon dessus d'oreiller qui est ici, là. Je l'avais quand j'avais 13-14 ans. Puis j'en ai jamais acheté d'autres. J'ai encore les mêmes têtes d'oreiller. J'ai acheté ça, je pense, autour de 94 dans le Sears. Puis, c'était de la grosse qualité. Fait que je les ai encore. Mes têtes d'oreiller, c'est encore les mêmes. Puis, sont encore bonnes. Bon, là, je vois ici, il y a peut-être des petites coutures qui se lâchent. Là. Il y a peut-être magané un peu. Mais, je les ai encore. Ça veut dire que ça doit faire. Ça fait proche 30 ans que j'ai. Puis, Oui, ça a coupé. Bon, ça coupe. Pourtant, je parle de rien de spécial. Ça a planté une minute. Ah, ben, peut-être que ça m'a évité de mettre en. Peut-être des affaires que. Le pourquoi d'en acheter un autre aurait une polarisation. Perversion d'en voir plus encore. Les choses anciennes ont de la vibration. Ben, moi, c'est surtout pour des raisons pratiques. Je vois pas l'intérêt de. Je crois que les gogos sont en train de regarder le live de Bertel. Bon, pourquoi là? Mais non, mais. Ben non, mais je croyais-tu bien du monde? Ben, 65, c'est pas si pire. De toute façon, ça va faire 1 heure. Puis aujourd'hui, je me prends pas au sérieux, ben, ben, là. On parle d'affaires, de choses et d'autres, là. Le gars avec son gros sac de fromage, j'aime bien écouter Bertel. À la limite, il doit le prendre pour un neveu. Je suis pas pareil, ben, à tout avec lui, ça, je suis sûr. Mais par ma mère, je suis parent avec un ancien premier ministre. C'est spécial. Hein? Par mon père, je suis parent avec des acteurs connus. Étrange, hein? Mais c'est comme l'oncle. L'oncle de ma mère, c'est un animateur de radio très connu dans le temps, dans les années 60. C'est un intellectuel. Je pense qu'il parlait 8 langues, lui. Mais quand même, je vous le noterai, il n'y a plus que personne qui se souvient de ça. C'était Jean Lévesque. Jean Lévesque, c'est lui qui avait écrit. Il avait écrit un livre où il parlait des antipropos. Son livre, Les antipropos. C'était un spécial. Moi, je dois quitter. Bon, ben, bon appétit. Moi aussi, je t'avais. Ça fait du bien de causer chiffon de temps en temps. Moi, ouais, ben. Je peux pas laver mon linge sale, il va se détruire. Non, mais ben c'est à force de le laver que je le défais, mais bon. Intrigué et captivé hier en rapport au live de David et Mona. Ouais, ben c'était bien intéressant. Y a des. Mais David, l'a-t-il déjà vu sur Facebook? Non, David Lévesque, qui est bien discret. Bien. En plus, bon, il parle de famille maintenant. C'est correct. Bon, ben moi aussi, il va falloir que j'y aille, de toute façon. Bon, ben, bonne journée, bon après-midi. Est-ce que c'est authentique ce que vous dites? Vous faites partie de l'occultation contrôlée, monsieur Bolduc. Bon, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Bolduc? David Lévesque. Qu'est-ce qu'il y a, David Lévesque? David Lévesque, là, on l'a-t-il déjà vu? Moi, je l'ai vu en personne, David Lévesque. Puis, c'est quelqu'un de bien normal. Quelqu'un de très bien. Ben non, David Lévesque, c'est quelqu'un de très bien, puis c'est quelqu'un de très intelligent au sens d'intelligence sociale. Donc, il est moins inconséquent que moi. Pas mal moins. Moi, c'est comme si je prends un exposé, puis. Pourtant, lui, il est plus. Ben c'est ça, il est moins inconséquent que d'autres. Donc, je ne le troll pas. Ben, je sais pas, moi, je ne sais pas. Mais David Lévesque, il y en a bien des fois qui ont dit on aimerait ça le voir. T'sais, pis, pourquoi? Hein? David Lévesque, c'est une voix. C'est une voix, surtout. Arrêtez de capoter sur mon corps. Ben oui, ça ne veut pas dire qu'il troll, là. Un peu partout. Ah, la vibration ne trompe pas. Bon. Là, ça dépend de quoi vous parlez, mais là, mais David Lévesque, non, c'est quelqu'un de, comme je dis ça, je dis une intelligence sociale. Vraiment. Puis lui, le seul fait que c'est surtout comme intervieweur, mais il parle aussi, quand il exerce sa parole quand même, puis tout, il est ajusté, pareil. Il n'y a pas de débordement, ben, ben, hein, avec. Il est bien moins pire que moi. Je le vois juste vite comme ça, sa voix, non, suffit, c'est correct. Ben, il fait un peu comme. Ben, c'est comme les gens qui font de la radio. Plein d'influenceurs et radio-podcasteurs se sont montrés en caméra ou photo, au minimum, sur le web. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui est pas obligé. Il n'est pas obligé. Moi, je l'aime bien, David. Même, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Je parle pour des interviews. Il est bon. Il y en a même des intervieweurs professionnels qui sont moins bons que ça. Ce qu'on voit à la télévision, l'autre, comment il s'appelle, Vautré, Jean-Philippe Vautré, c'est pas fort, ça, là. Désolé, là, je dis pas pour être méchant ou le critiquer, mais y a-tu quelqu'un qui l'aime, Jean-Philippe Vautier? Ça existe-tu? Je pense que c'est plus dur à trouver qu'une photo de David du monde qui trouverait que Jean-Philippe Vautier est un bon intervieweur. En tout cas, top sacré à la dame, elle traduit PDM. Ah oui, elle dit David, c'est un homme bien, mais elle a effacé son commentaire. Ah. Oui, David Lévesque exerce la parole. On dirait qu'il rentre en haute vibration. C'est la raison de ses lives. David, il est bien comme autopilote intervieweur. Sa voix me fait bien rire. Bon, je trouve qu'il a une voix normale. Même l'intonation est quand même. Il s'exprime quand même mieux que la moyenne, là. Je veux dire, prenez monsieur, madame, tout le monde dans la rue, donnez-leur un micro, puis demandez-leur, bon, Rasta, toi, fais-nous un programme. Ça marchera pas. C'est là que les gens se rendraient compte que c'est pas si facile que ça. C'est moi aussi, pas falloir, j'ai mangé, là. Je comprends qu'on ne veuille pas se montrer sur les réseaux, c'est correct et ça dépend de beaucoup de choses et aussi pour protéger notre entourage. Et voilà. Ben oui. Il y en a qui me reconnaissent des fois. L'autre fois, j'étais au centre commercial. J'ai jamais. Ce qui arrive, c'est que l'été, des fois, je passe dans le centre commercial pour pas avoir le soleil pendant un bout de temps parce que c'est sur mon trajet. Ou l'hiver, des fois. Puis à un moment donné, il y a un couple, du monde, puis là, ce jeune, il me regarde, puis le gars, là, il dit, c'est lui. Il m'avait reconnu, pas mal sûr. Mais, moi, j'étais un petit peu inconséquent, dans le sens que je m'en fous. Il y a un certain, je m'en foutis. Mais il reste, c'est pour mes proches, des fois, je le sais que ça les rend nerveux. Mes proches, j'aime pas ça que je parle là, en public. Mais il reste bon cette fois-là. Il avait pas l'air genre c'est lui, c'est cet écœurant-là, il est là-bas. Il avait pas l'air dans cette. C'était pas ça, là. C'était genre ah, c'est lui, regarde, c'est lui. Bon, coudonc. Tu sais, le monde, ils vont pas venir me demander des autographes. Je suis pas une vedette non plus. Je suis comme un hurluberlu un peu. Comment je pourrais dire ça? C'est sûr que ça sort de l'ordinaire un petit peu, une petite bille, là. J'aurais apprécié le voir en photo. Ben, vous voyez, ben, comme je vous dis, moi, je l'ai vu en personne. Il est venu un été. Les interventions de David sont très intéressantes en général. Je l'apprécie beaucoup. Il est rare de trouver de tels interlocuteurs. Oui, c'est rare. Il est vraiment excellent. Des fois, je regarde des interviews d'autres, puis il est bien meilleur. En tout cas, c'est un type avec une grande profondeur, oui. Très respectueux. Jean-Philippe, ça, mais ça le suffit. Oui, comment on dit ça? Il est suffisant. Ouais. Mais il est sorti de où, David Lévesque? Libre penseur, créateur, audio, interview avec quelques initiés. Ben là, ce serait à lui de répondre. Mais il y a un parcours intéressant. Vraiment. Il a interviewé tout le monde, hein. Même Sabourin, même Glenn, il a interviewé Glenn, David Lévesque. Il a parlé à tout le monde. Puis, c'est une anthologie, là. C'est sûr que ça a une certaine valeur, là. Je veux dire, regardez, moi, j'achète des draps chez Monsieur le curé sous sol d'église. Je me fais des. Ouais. Pour eux, tu as vu David en personne? Ben oui, je me fous de la mode. Ouais, ben. Carole Campagne, ça va, écoute, c'est précieux. Moi, je n'ai jamais été capable de marcher qu'une machine. Je suis pas capable de les affiler comme faux. Ça finit tout le temps, je fais un mouton, ça marche pas. Fait que je fais tout à la mitaine, j'ai appris tout seul. Puis le pire, c'est que je suis capable de faire des coutures. On dirait que c'est une machine qui les a faites. C'est avec le temps, là. Et, bon, en tout cas, c'est la nécessité. C'est un bon professeur, la nécessité. C'est pas fou qu'il apprenne au scouts et guides à coudre un peu, parce que ça peut servir, là. David, il est venu chez Bertold une fois. Ben oui. David Lévesque a vraiment interviewé Richard Glenn. Oui. Ben oui, il a interviewé tout le monde. Ben, il a interviewé Sabourin. Ben oui. Il a même interviewé Jean-Luc, des collaborateurs de Bernard qui est en France. David Lévesque, ben oui, Glenn. Sauf sa voix n'est pas claire, je trouve pas. Oui, madame, je fabrique des chapeaux d'hiver avec des fourrures recyclées, manteaux de cuir et manteaux de laine. Moi, ben, c'est tout un art, hein. Coudre de la fourrure, là. C'est une technique, ça. Ben, moi, que je connais pas, là, j'ai jamais fait ça, mais je le sais que c'est complexe. Je le sais, j'ai une tante qui fait ça. Marie-Jeanne, mais oui, c'était une vidéo qui présentait la bibliothèque. Oui. C'est dans le temps, c'était un appartement ailleurs. Puis c'était même pas chez moi. C'était chez ma conjointe parce que ma bibliothèque était rendue là. Aujourd'hui, tu sais, tout est dans un entrepôt. David Leva avec les penseurs, hein, conscience. Oui. Salut de Belgique. Première en direct. Ah oui, bon, ben, bienvenue à vous. Lève ton verre, mon David. Moi. Mais oui, David Lévesque qui a interviewé Richard Glenn. Il a interviewé Daniel Ménard plusieurs fois. Il a interviewé Charles Sabourin. Dans le fond, il y a juste Bernard qui n'a pas interviewé. Puis même là, non, vraiment, c'est underground. Hein. C'est underground, mais à mes yeux. David Lévesque, il a vraiment fait un travail d'anthologie dans le sens que, ben, c'est un petit peu, comment je pourrais dire ça? Ces choses-là, c'est des archives, là. C'est un peu. David, il a fait pas mal de vidéos, oui. Ah oui, c'est colossal. C'est colossal. Oui, c'est beaucoup underground. C'est underground, mais ça a son importance. Puis je pense que ça va finir par. C'est un petit peu comme dans le temps, il y a des choses qui étaient underground, ça faisait partie des sous-cultures, puis ça a fini par sortir du lot, puis devenir faire partie de la culture populaire, si on peut dire, d'une certaine façon. Puis je pense que. Dans le fond, c'est un petit peu la même chose, là. Avec David, c'est-à-dire que on s'en rend pas compte, mais on est en train de faire l'histoire. On s'en rend pas compte, mais c'est un petit peu comme le fait qu'à un moment donné, bon, Richard Glenn il va décéder, puis Sabourin il va décéder, puis bon, regardez Daniel Mallard est décédé. Dans le fond, l'immortalisation de la conscience, d'une certaine façon, le fait qu'il y a des enregistrements, puis qu'il y a encore du monde qui les écoute, puis qu'il y a une connexion qui se fait quelque part, ils ont immortalisé leur conscience d'une certaine façon. Marc de la Salle, il a immortalisé sa conscience. Puis. David y a participé, puis plein de monde a participé. Chaque personne qui l'a écouté y a participé. Puis qu'on le veuille ou pas, bon, l'âme, il y a quelque chose, oui, il y a l'âme individuelle, mais il y a quelque chose de collectif, ce qu'on pourrait appeler le monde de l'âme, ce que Sabourin il appelle une cinquième dimension. Sabourin, même s'il y a des affaires que je critique, puis que, bon, moi, je me qualifie pas d'éveillé, parce que je pense que dès qu'on se qualifie d'éveillé, c'est qu'on s'endort un peu, on est perpétuel à renouveler. Sabourin, quand il dit qu'en parlant, il immortalise sa conscience, il est conscient de ce qu'il fait pareil. Il sait. Donc, David Lévesque, la qualité, ça dure plus longtemps. Ouais. David Lévesque nous raconte une partie de sa vibration dans les vidéos audio. Sa connexion est vraiment interne avec de la salle. Glenn Ménard. Ouais, Bernard, c'est parce que t'as pas. C'est parce que l'affaire, c'est que Bernard était décédé quand David y a commencé. Donc, David est un vrai bâtisseur de conscience. Ben oui, c'est. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est encore une affaire de pionnier, tout ça, là. Puis c'est vraiment une contre-culture, dans le sens que ce qu'on regarde, ce qui se développe en ce moment, des affaires comme la pensée woke, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, puis tout, qu'est-ce qu'il y a contre ça? Pas dans le sens d'une polarité puis d'une antagonisation, mais c'est quoi les vraies contre-cultures, dans le fond, par rapport à ces affaires-là dominantes, qui sont les échecs de demain, au fond? Tout ça, c'est les pensées qui vont être mises en échec demain. Ben, la contre-culture, c'est des affaires comme un peu ce que David y fait. C'est ça, la résistance, dans le fond, qui est du nouveau en plus. Parce que souvent, on va être réactionnaire, puis on va résister avec du vieux contre du nouveau. Mais là, c'est pas comme ça. C'est vraiment du vieux qui se fait passer pour du nouveau, puis qui veut s'imposer. Puis la contre-culture à ça, c'est du vrai nouveau, plus créatif, une vraie recherche des vrais pionniers, dans le sens qu'il y a vraiment des découvertes puis des choses inédites qui sont découvertes. Tandis que le transhumanisme, puis la pensée woke, puis tout, c'est juste du bricolage. C'est juste du bricolage, c'est de la construction de carton-pâte. Il n'y a rien de créatif là-dedans. C'est ça qui est en train de devenir la pensée dominante. Donc, les vraies contre-cultures underground qui sont en germe en ce moment avec des pionniers, puis tout, c'est plus des affaires que personne ne parle, puis ça passe inaperçu pour pas. Puis même la francophonie en général, puis certains coins de l'Europe, il reste qu'il y a des affaires, qu'il y a des programmations, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des missions des peuples. Puis qu'on le veuille ou pas, s'il y a une certaine importance, ça a une certaine importance. C'est pas de l'affaire de se donner de l'importance. Mais ça va avoir une incidence. En tout cas, là, j'ai dû en manquer des affaires, là. Il mériterait d'avoir quelques dons. Malheureusement, les gens ne laissent pas de dons. Ben, comment je pourrais dire ça? Il y a une certaine. Je pense qu'on réalise peut-être pas. Puis, ce qui est populaire, puis ce qui pogne, c'est jamais ce qui est réellement de qualité. Donc, David Lévesque, comme un artisan. Mais c'est les choses faites par les artisans, puis qui sont réellement de qualité, qui finissent justement par devenir des artefacts qui servent de modèle. Le fait que ça reste un petit peu sous le tapis, puis que ça reste un petit peu à part, puis tout, moi, je pense qu'il va avoir un succès à long terme. Que ça y a le germe du. En tout cas, on verra là. C'est louche. Car plein d'influenceurs opposition contrôlée ont eu des dons, mais pas David Lévesque. Pognez-vous. Ben oui. Ben oui, mais ce qui est réel, c'est jamais populaire. Puis ce qui est populaire, c'est tout le temps. C'est comme ça. C'est correct. C'est bien correct. Mais il reste que. On verra bien un jour, de toute façon, à un moment donné, cette espèce de combat-là, parce que c'est un vrai combat, à un moment donné, ce contre quoi on se combat, ça va finir par tomber, c'est des lois de vie. Puis après, ben, peut-être que là, on va avoir, comment je pourrais dire ça, le repos du combattant. Le repos du combattant. À un moment donné, on n'est pas pour se battre toute notre vie. Puis même là, je dis ça, c'est des figures de style. Là. David Lévesque, à mon avis, n'est pas traité à sa haute valeur. Les gens ont préféré donner des dons aux déchets des faux influenceurs, l'opposition contrôlée, mais pas David Lévesque. Ben oui, mais c'est parce que nous autres, on se débat contre les influenceurs. Puis on étudie justement la mécanique de l'influence. Et ça, c'est pas populaire. Moi, je ne suis pas un influenceur. Il n'y a rien que j'ai plus horreur que les influences. C'est l'affaire la plus pernicieuse, la plus. Donc, c'est sûr que ça pogne pas. Puis tant mieux, comme ça, on a la paix. Hey, si j'étais connu au point d'être attaqué dans le journal de Montréal, je la trouverais pas drôle. Parce qu'en plus, orgueilleux puis vaniteux comme je serais obligé d'exercer un droit de réponse puis de me défendre. Là, ça finirait en guerre ridicule, puis finalement, je finirais que je parlerais de choses que c'est pas intéressant, puis c'est pas important. Ben, c'est un peu ça que j'ai fait aujourd'hui. Mais je veux dire, se débattre contre des sujets intéressants, c'est aider à apprécier son prochain au lieu de vouloir ignorer, faire de la bataille pour rien. Ouais, ben moi, je me bats pas contre du monde, je me bats comme. Moi, je vois ça comme des forces qui peuvent s'exprimer. Viens d'allumer sur quelque chose, un flash. Oui, Marc de la Salle et David Lévesque n'auront pas été appréciés et traités à leur juste valeur. Ben, là, c'est un flash, je veux dire. Moi, je trouvais ça, là, j'ai pas eu de flash. Je trouvais ça. Marc de la Salle, comment je pourrais dire ça? Je pense que Marc de la Salle, il a pas eu l'impact qu'il aurait pu avoir parce que les gens sont. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose chez Marc de la Salle qui était moins charismatique que d'autres. Il y avait certains aspects de sa personnalité qui étaient. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour que ça marche. Puis que ça nuit un petit peu. Mais je pense qu'avec le temps, il y a des gens qui vont redécouvrir Marc de la Salle. Il y a des gens qui vont redécouvrir Marc de la Salle. Puis que veut, veut pas, ça va faire son chemin, là. Ça va faire son chemin. Parce que moi, je pense qu'il a quand même fait un travail qui a une certaine importance. Marc de la Salle, puis moi je le trouve important, pas mal plus que d'autres qui ont des milliers d'abonnés, là. Mais l'affaire, c'est que c'est mieux quelque chose qui est un petit peu impopulaire, mais qui peut laisser une trace puis un changement durable, qu'il y a des affaires populaires qui vont, c'est de la vacuité, puis que ça va être éphémère sur le long terme. Veux, veux pas, Marc de la Salle, la star, il fait partie un petit peu de l'histoire de tout ça. Fait que, bon. Nous, on l'apprécie, David Lévesque, mais je veux dire historic storytelling, David et Marc, les deux n'auront pas été appréciés à leur juste valeur, mais pourtant, Marc et David sont vrais. Ben oui. Ben, moi, je peux confirmer que les deux existent. C'est pas des personnages, là. Même Marc Lalassalle, je l'ai jamais rencontré en personne. Mais j'ai communiqué avec par courriel, puis je connais du monde qui l'ont connu en personne. Puis disons que il y a eu une programmation. C'est quelqu'un qui aura jamais. Il n'aura pas profité de. En tout cas, de toute façon, c'est pas de. J'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur de la salle et j'ai apprécié sa vibration, son cœur. Oui. Marc manquait de fini, il était dur. Ah, ben, c'est. Moi, je vois pas ça comme péjoratif. Au contraire. Ben oui. Mais il faut être dur. L'affaire, c'est d'être ajusté. C'est ça qui fait que quelque chose est trop dur ou pas assez dur, là. Ben, je pense que t'es quand même assez ajusté. J'ai vu une vidéo où Marc pleure. Moi, un peu comme Bernard. Que, ouais, Bernard aussi pleurait des fois. Ben, des fois, c'est parce que c'est tellement fort. Hein, on est submergé. Ben, bon, bon. Je peux vous assurer, vous ne me verrez jamais pleurer. Je suis bien trop orgueilleux. Je suis bien trop. On sent le respect mutuel entre David Lévesque et Marc de la Salle en écoutant leurs entretiens. Ben oui. Ben, c'est pas juste des collaborateurs, c'était des amis. C'est ça, là. Puis, aujourd'hui, avec des affaires comme Facebook, Ami, ça a perdu son sens, là. Mais pourtant, c'était authentique. Je veux dire, ça se sent, là. Fait que, Marc de la Salle, c'est la vibration. Je comprends. Quel mieux. J'apprécie David aussi. Oui, ben, c'est surprenant parce que Marc, moi, je le trouve quand même assez accessible. Puis, Bon, il y en a des fois, ils vont dire qu'il était comme rigide un peu, mais ça, c'est au début des conférences, souvent. Puis je ne l'ai pas écouté tant que ça, là, Marc de la Salle. Mais souvent, au début des conférences, on sent une certaine rigidité, il y a une certaine lourdeur. Puis à un moment donné, ça débloque, puis là, ça part. Puis là, il en sort des pas pires. Il en sort des pas pires. Même maintenant, juste penser quand Marc a pleuré, ça me fait pleurer. Ben là, faut pas non plus qu'on. On n'est pas supposé se faire de peine non plus, là. Ah oui, je veux dire. Puis en plus, il est décédé. Il y en a beaucoup qui sont décédés. Mais c'est un peu. Prenez Sergio Poirier. Sergio Poirier va avoir fait tout un travail, mais ça reste underground. Parce que c'était des groupes de discussion privés. Mais il reste encore quelqu'un qui va avoir joué un rôle. On se rend peut-être pas compte. Oui, mais ben, c'est peut-être pas mauvais qu'on se rend pas compte, parce que sinon, on pourrait se mettre à donner de l'importance d'une façon subjective, psychologique. Puis là, ça finit des clics. Comme Daniel Kemp. Daniel Kemp est extrêmement charismatique, puis ça a laissé des traces que ça peut. Ça finit se faire des clics. Hein? Oui, David Levesque et Marc de la Salle étaient deux bons amis. Confident, même, je vous dirais, de la salle, aurait-il été le prof à David? Je pense pas. Mais c'est vrai, Marc était professeur de français. Hein? On en aurait bien besoin des professeurs de français compétents de nos jours. Il y avait aussi beaucoup de mots, Marc. Oui, ben oui, puis le monde le trouve rigide, il le trouve. Moi, je pense, Marc de la salle, il était moins rigide que moi. Je le trouve pas mal plus. Moi, ouais, j'ai pas le temps de vous lire, là. Je sais aussi que David Lev s'ennuie beaucoup de bêtes. C'est normal. Daniel Kemp connaît pas du tout. Ouais, Camp. C'est Kemp avec un E. Daniel Kemp, c'est parce qu'il est décédé très jeune. Il y a longtemps. C'est un des séminaristes de Bernard, mais il n'a pas été longtemps dans un séminaire. C'est quelqu'un qui avait une. Il était très, très marquant. Très, très, très marquant, au point où il reste une des figures, là. Donc, je sais aussi que David Lévesque. Ok. Hop, là, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de vous lire encore. Donc, moi, je vais y aller. Donc, bon, c'est un petit peu plus léger hein, aujourd'hui. Camp, moi, ça fait drôle. Hein. Bon après-midi, faudrait pas te retenir en live. Bon, ben, c'est parce qu'il faut que. Il va falloir que je mange, là. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée à tout le monde. Donc, au revoir.